À l'heure de la génétique et du post-darwinisme, les races sont-elles un mythe ou une réalité? Un débat polémique sous pression culturelle et idéologique, qui a raison, qui a tort? Peut-on envisager des groupes génétiques au sein de la population humaine? Une division est-elle possible? Nos origines reviennent en force. On en parle tout de suite dans Libéré sur parole, sur patriote.info, avec Hassène Occident. Voilà, bonsoir, vous êtes bien sûr patriote.info sur Libéré sur parole avec Hassène Occident. Bonsoir Hassène. Bah, merci, merci de m'avoir invité. Bah écoute, avec plaisir, Hassène, pour parler en plus des races, parce que tu es quand même, un spécialiste quand même de la question. Bon, je sais que les gens détestent ce terme, spécialiste. Et moi j'aimerais juste commencer d'abord par exprimer ma gratitude pour ton invitation. Je te remercie beaucoup parce que ma chaîne elle a que quelques mois. Et comparé à d'autres personnes qui sont venues, qui ont écrit des livres, qui ont fourni bien plus de travail. Donc je te remercie. Et c'était quand même une... Maintenant, tu es une institution dans la dissidence. Ah bah, je sais pas, il paraît. Mais oui, tu es quand même une institution. Donc je te remercie beaucoup. Et encore une fois, tu es très humble, en fait. Et c'est vraiment direct, simple. Et voilà, je voulais le dire et te remercier. Bah écoute, Hassène, avec grand plaisir, parce que bah, moi, justement, je t'ai découvert au travers de plusieurs vidéos, en particulier, évidemment, avec Daniel Conversano. On lui passera le bonjour. Tu as abordé, en fait, la problématique des races sous un angle scientifique. Oui. Je trouve, en y enlevant, justement, toute la dimension idéologique, tout le ressort politique même qu'il y a derrière. Tout à fait. Et alors, je voulais te demander la première question, parce que ça, c'est vraiment... C'est quoi une race? Parce qu'il faut savoir que quand même, il y a des gens qui nous disent les races n'existent pas. Alors, ça tombe bien, on est en pleine période où il y a le scandale à Aurélien Enthoven, nous explique qu'en fait, que les races n'existent pas, il y a eu une réponse, c'est fait, bon, les médias s'en sont emparés. Mais c'est quoi, fondamentalement, une race? Comment on peut la définir? Bon, d'abord, il faut rappeler un principe simplement dans l'évolution. C'est simplement le principe de spéciation. C'est-à-dire, en fait, fondamentalement, quand on pose la question de qu'est-ce que c'est une race, c'est la question sous-jacente, c'est mais en fait, comment une espèce apparaît? Donc, une espèce, elle apparaît parce qu'elle est isolée, par exemple, géographiquement. Imaginons, on a un groupe d'un animal donné, il se sépare. Peu importe, il est sur une île, et au fur et à mesure du temps, des sélections, ce qu'on appelle la dérive génique, et petit à petit, apparaît une nouvelle espèce. Par exemple, je vous renvoie, si vous voulez, sur un animal, il s'appelle le nanisme insulaire, où on avait des petits éléphants dans les îles grecques. Il y avait un tout petit éléphant, très petit, et en fait, sa tête était un tout petit éléphant. Donc, ça a pris du temps, c'est comme ça. Mais avant que l'espèce apparaisse, entre deux espèces, qu'est-ce que c'est, finalement? Dans tout ce jalon d'étapes où apparaissent des caractères génétiques petit à petit, c'est la race. C'est le principe de spéciation qui fait qu'à un moment donné, dès que la spéciation a lieu, le principe de apparaît des races. Ça veut dire que c'est un groupe qui va partager, on va dire, une espèce de patrimoine génétique commun et qui va être séparé des autres. Alors, il y a la séparation, il y a plusieurs phénomènes. Et dès l'instant qu'il y a ce processus de spéciation, c'est-à-dire qu'apparaît des caractères qui leur sont propres, c'est l'apparition d'une race. Donc, vous avez par exemple Chez les chimpanzés, vous avez le chimpanzé, le bonobo, et ben ils se sont séparés. Comme ils n'ont plus de connexion génétique, ils n'échangent plus, et ben ils se spécialisent. Ils ont des caractères, des propriétés physiques propres. Et donc, une race, c'est un groupe donné, homogène, qui a ses propres caractéristiques génétiques et phénotypiques. Donc, mais qui appartient, alors, très important, donc à la même espèce. Oui, voilà, bien sûr. Différence entre la... Parce qu'on mélange tout aussi de nos jours. Ah, d'accord. Alors, il y a une espèce. Dans cette espèce, vous pouvez avoir des subdivisions biologiques. Alors, si vous voulez, le plus politiquement... Alors, techniquement, les scientifiques ne parlent pas de race, ils parlent de population. Ils disent, voilà, il y a des populations qui se caractérisent par des isolements géographiques plus ou moins. On n'est jamais totalement isolé, sauf dans des îles. Mais on est plus ou moins isolé. Et donc, le terme précis est population. Pourquoi on n'utilise plus le mot race ? Parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, parce que le mot race a été très longtemps associé à des hypothèses très anciennes scientifiques qui ont été abandonnées. Et comme je l'explique dans ma première vidéo, en fait, on a abandonné le concept de race quand on a découvert l'origine des hommes qui étaient en Afrique, etc. Et donc, on a tout abandonné, c'est-à-dire tout un concept, tout un ensemble de concepts ont été abandonnés. Et dans le lot, vous aviez ce concept de race. Bon, évidemment, il y a aussi le contexte politique et historique. Il est évident que dans un contexte de société multiraciale, l'existence de race pose problème de ce point de vue-là. Mais on a abandonné ces concepts d'un point de vue politiquement correct, en réalité, pour simplement substituer un mot par un autre, qui est population. Donc, on emploie le terme de population. Parce qu'évidemment que quand on dit population humaine, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que comment on fait une population, quand les généticiens disent « ceci est une population, il y a des populations humaines », mais moi je leur dis « mais comment faites-vous pour distinguer ces populations ?» Des autres populations. Bah oui, si on est tous mélangés, si il y a un métissage généralisé, qu'il y a un flux génétique. Alors leur argument souvent c'est de dire « oui mais en fait c'est arbitraire, on choisit tel gène, etc. » Mais dans les faits c'est faux en fait, c'est totalement faux. On ne choisit pas des gènes au hasard, on choisit des gènes très spécifiques qui permettent de faire des distinctions réelles. Et puis même avant la génétique, on faisait déjà des distinctions par ce qu'on appelle les mesures crâniennes, c'est-à-dire les mesures crâniennes, les proportions, les rapports entre le fémur et les différentes parties du corps. Alors justement, est-ce que ce qui dérangeait pas au départ dans le 19e siècle, justement, quand on s'est intéressé à ces problématiques de race, c'est qu'on a cherché à établir une hiérarchie des races, c'est-à-dire certaines ont certaines capacités, d'autres ont d'autres capacités, mais d'autres supérieures à d'autres, etc. Est-ce que c'était pas ça? Non, là je pense que c'est une erreur de raisonnement, c'est que tu prends les valeurs de notre société où effectivement la hiérarchie pose problème et tu les transposes à cette époque-là. À cette époque-là, en fait, la hiérarchie était une évidence. Mais je veux dire que quand tu découvres des populations qui sont à l'âge de pierre, c'est-à-dire qui sont à l'âge technologique des hommes européens d'il y a 50 000 ans, si tu veux, c'est intuitif quelque part la hiérarchie, on se la pose même pas de ce point de vue-là. C'est juste que c'était tellement une évidence. Mais le concept de race ne vient pas de là, le problème scientifique. C'est qu'au 19e siècle, on associait l'idée de race à l'idée d'une origine où les hommes n'avaient même pas une origine commune. C'est-à-dire qu'au 19e, au 18e siècle, on pensait que les humains étaient tellement différents qu'on pensait qu'un homme de race noire et un homme de race blanche ne sont quasiment même pas de la même espèce. C'est-à-dire, on n'était pas loin de penser que ce n'était pas la même espèce. Donc évidemment, que quand on part d'une idée aussi extrême d'un côté, c'est-à-dire qu'on imagine qu'une race est carrément un autre homme d'une autre espèce. Évidemment qu'avec les découvertes génétiques actuelles, on dit mais tout ça c'est poubelle, ça vaut rien, c'est concept. Le concept de race ne veut rien dire. On sait que tous qu'on est de la même espèce, on a une origine commune, génétique et tout. Mais sauf que évidemment la science elle avance. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui vont être retravaillés. C'est-à-dire qu'évidemment, une fois qu'on a des nouvelles découvertes, le mot race, il suffit simplement de le redéfinir, tout simplement. C'est ce que font toujours. C'est ce qu'on fait dans plein de domaines. Par exemple, à un moment donné, on s'est posé la question de Néandertal, par exemple. Ah oui, j'ai des questions sur Néandertal. Pour montrer la logique de la science, c'est qu'à un moment donné, on a affirmé que Néandertal et l'homme étaient deux espèces différentes. Très bien, ça a été la première école. Ensuite, dans les années 60, il y a eu une nouvelle hypothèse, c'était que non, en fait, Néandertal et Sapiens, c'était la même espèce. Donc on disait Homo sapiens sapiens, Homo sapiens Néandertal. Et ensuite, avec les découvertes de l'ADN, on a dit, en fait, non, c'est deux espèces différentes. Donc, vous voyez, on avait d'abord l'hypothèse que ce n'était pas une espèce. Ensuite, on est venu sur l'idée que c'était deux espèces différentes. Ensuite, on est venu sur que c'était une seule espèce. Et aujourd'hui, on est d'accord, on se met d'accord sur le fait que ce soit deux espèces. Et récemment, on découvre qu'il y a eu des échanges génétiques. Donc, si vous voulez, c'est la science, elle est constamment. C'est ça le principe d'une hypothèse. C'est-à-dire que les scientifiques émettent des hypothèses, ils testent, ils essayent, et ensuite ils travaillent ces hypothèses en fonction des découvertes scientifiques. Donc, le concept de race, il est tout simplement comme toutes les hypothèses en science. Il peut bien sûr être contredit par certains faits, mais fondamentalement, il est tout simplement faux de dire que si on prend n'importe quel blanc, dans une population de race blanche, qu'on prend deux individus au hasard, ils seraient aussi différents l'un que l'autre que un noir et un blanc, qu'un noir et un blanc seraient plus proches. Et ce genre d'idée que, en fait, souvent les généticiens anti-races disent que si on prend deux Français, en fait, ils peuvent être plus différents les deux, oui, qu'ils ne peuvent être différents avec un Congolais. Ce qui a toujours étonné. Ouais, oui, d'accord, mais en fait, cette histoire, faut s'en rendre compte que c'est une tartufferie énorme. C'est une publication en 1975 par un auteur qui s'appelle Livington, qui a mis en avant par une étude statistique, par une étude des génétiques, enfin, c'était pas encore une étude génétique comme on connaît, mais il a simplement fait un calcul simple. Et il a établi un truc, il s'est rendu compte qu'il y a 85% de différence au sein d'un groupe, mais quand on compare deux groupes, il n'y a que 15% de différence entre le groupe. Et on s'est dit, et les généticiens, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ça a été très étonnant. Mais en fait, depuis des dizaines d'années, on a déjà répondu à ça. Il y a un papier qui était sorti, où ils ont répondu à ça en disant, mais c'est normal, parce qu'en 1975, il n'y avait pas assez de connaissances génétiques. Son étude n'était pas suffisamment solide, de ce point de vue. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ma vidéo sur la race humaine, je cite ce même Livington, qui reconnaît l'existence des races humaines aujourd'hui. C'est-à-dire que face à la réalité génétique, il le reconnaît maintenant. C'est-à-dire qu'en 1975, ils pouvaient le penser, mais il n'y a pas de problème. En fait, le problème, il n'est pas d'émettre des hypothèses. Le problème, c'est qu'une fois que c'est contredit, il faut simplement le reconnaître. Et en fait, Livington, à la fin, je cite le même auteur qui pensait que les hommes étaient très différents, finalement, il reconnaît qu'il est tout à fait possible de faire des subdivisions au sein de l'espèce humaine, qu'on peut appeler sa race, et que c'est tout à fait factuel et mesurable et testable. Et ça voudrait dire que d'un point de vue, alors, on va dire, c'est justement la race, ou d'un point de vue génétique, donc chaque entité posséderait donc des caractéristiques génétiques qui lui sont propres. Oui, c'est pareil, ça. Tout à fait. Par exemple, si tu prends n'importe quel homme blanc, de race blanche, si on veut, il va avoir du matériel génétique de Néandertal. Ouais. Par exemple, tu prends n'importe quel asiatique, par exemple un papou ou un aborigène d'Australie, il va avoir des traces génétiques, même à un très haut un niveau de pourcentage important, de Denisovien. Oui. Donc, et les Africains, par exemple, de race noire, vont avoir. Alors, on émet l'hypothèse à partir de l'étude de leur base génétique qu'ils ont eu une introgression génétique à partir d'une population d'homo archaïque qu'on n'a pas encore trouvé de fossiles. C'est-à-dire qu'en lisant leur base génétique, on sait qu'ils se sont métissés, qu'ils sont le résultat d'un hybridage entre une autre espèce d'homo qui a été en Afrique qu'on ne connaît pas encore. Donc, ça veut dire que vous prenez. Tu prends une goutte de sang de n'importe qui, vous pouvez connaître sa race, sans se tromper. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez faire le test. C'est-à-dire que si on était tous du même groupe ethnique, il n'y a pas de différence, il y a un métissage général. Il y a eu quand même, par exemple, même pour un Européen, on ne peut pas parler de métissage, par exemple. Entre qui Alors, justement, est-ce qu'ils appartiennent tous, je ne sais pas, le Russe, oui, le Finlandais, l'Espagnol, tout le monde est dans le même groupe. Il y a juste les Finnois, enfin, tout ce qui est Finlande, je crois que c'est. Ils ont un haplogroupe différent, dont je ne me souviens plus, mais sinon, la plupart, c'est R1 et R2, mais c'est tous le même groupe. Donc, vous regarderez les groupes. Alors, le problème, en fait, ici, c'est qu'il ne faut pas mélanger tous ces thèmes. C'est qu'il faut bien distinguer. D'abord, la question, c'est qu'il faut bien faire comprendre que les races humaines existent et que, scientifiquement parlant, on peut le démontrer. Ensuite, comment on va nommer les races, comment on peut les utiliser, ça, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, les races, c'est le principe de spéciation, c'est que vous avez c'est un dégradé. C'est comme les couleurs. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un principe de continuité. Donc, à partir de là, tu vas avoir toujours des continuités de groupes, etc. Il n'y a pas de frontières pures, absolues, sauf ceux qui sont dans des îles, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord poser la question de est-ce que les races existent, démontrer qu'elles existent, et ensuite, après, poser la question de alors comment ces races s'organisent, est-ce que finalement, combien y a-t-il de races, etc. Mais cette question finalement de comment les nommer, combien il y en a, est moins importante. Parce que le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils existent ou pas. Et ensuite, je pense que l'approche pour répondre à cette question la plus simple, c'est de regarder, l'une des approches possibles, c'est de regarder les haplogroupes, ce qu'on appelle les haplotypes, les haplogroupes, et vous regardez les cartes. Et je pense que c'est l'approche pour l'instant, la meilleure qui soit pour l'instant à l'aune de nos connaissances. Parce qu'évidemment, la science continue d'avancer, on aura des précisions, etc. Donc on constate de toute façon que les divisions raciales correspondent aux frontières naturelles, en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que naturellement, finalement, on avait déjà l'intuition de ces races et ça correspondait déjà à ce que, de façon empirique, on pouvait observer. Oui, l'observation, ça crevait les yeux déjà. Oui, mais toujours est-il que la science vient confirmer cette idée dans l'étude des génomes humains qu'il y a eu évidemment des barrières naturelles qui ont permis l'apparition des races. Et les blancs sont principalement homogènes et tous les discours des Européens du Sud qui seraient ceci, cela. Non, ce sont quand vous voyez les codes génétiques. Alors il y a plus ou moins du métissage des époques, mais si vous regardez, il y a plutôt une homogénéité raciale en Europe. C'est-à-dire que les Anglais, les Français, les Allemands, même il y a la race, après il y a les peuples. Il y a plus de cultures que de races. Donc il y a bien sûr des différences entre un Allemand, un Anglais, etc. Mais c'est là où on part du principe que nous sommes une espèce intelligente qui a de la culture, qui produit des langues, etc. Mais sinon, c'est une race. Les Allemands appartiennent à la même race. Les Européens du Sud, ils appartiennent à la même race. À la même race, mais que les Maghrébins, alors aussi, qui font. Non. Les Maghrébins sont des Maghrébins. Ils appartiennent au groupe haplogroupe E. Donc, les Maghrébins ne sont pas des A. Tu sais quoi, haplogroupe, pour définir, parce que. Sans rentrer dans le détail. En fait, on a étudié. Il y a trois ADN qu'on étudie. Il y a l'ADN mitochondrial, il y a l'ADN Y, le chromosome Y. Qui est transmis. Alors, l'ADN mitochondrial, tu ne le reçois que de la mère. C'est un ADN qui ne se recombine pas. L'ADN Y, c'est l'ADN que reçoit un fils de son père. Et ensuite, il y a l'ADN nucléaire, donc, qui est le produit de la fusion des deux gamètes. D'accord. Donc, les généticiens étudient ces trois ADN humains. Et à partir de cela, ils établissent ce qu'on appelle des cartes d'haplotypes, d'haplogroupes. Je préfère pas rentrer non plus parce que je pense que ça va peut-être un peu trop complexifié, mais si vous voulez, c'est grâce à ça, grâce à d'où vient la mère, d'où vient le père, on a réussi à établir par l'étude de génétique l'immigration et les origines des différents peuples et leur homogénéité raciale. C'est pour ça que je dis que c'est pas la meilleure des approches, c'est l'approche la plus empirique qui soit. Évidemment, elle n'est pas parfaite. On sait évidemment que les Maghrébins et les Blancs n'ont rien à voir en termes. Enfin, n'ont rien à voir. On a tous à voir dans l'évolution, mais ils ne sont pas du tout de la même race. C'est pas la même chose. C'est pas la même race. Non, vous avez les Maghrébins qui sont spécifiques et qui sont aussi différents des Arabes. Mais parce que les Maghrébins, ne sont pas des Arabes. À l'observation. Oui. Ils ressemblent à des Européens, surtout les Algériens. Les Marocains des fois ils sont un peu plus foncés, mais les Algériens, franchement. Bah oui, mais le à l'observation, j'entends. Oui, bien sûr, mais au test de QI, il ne ressemble pas du tout. Tu vas te faire des amis. Mais le test de QI, le PIB, PIB, ça ne ressemble pas et le QI ne ressemble pas. Alors peut-être que c'est le hasard, peut-être que c'est, je sais pas, le racisme et tout, mais en tout cas, quand vous regardez une carte d'haplogroupe, vous voyez bien qu'ils ont des haplogroupes différents. Oui. Maintenant qu'il y a une proximité physiologique, phénotypique, ce n'est pas le problème. Bien sûr qu'il y en a, parce que, encore une fois, reprenons l'image de l'arc-en-ciel. Quand vous passez d'une couleur à une couleur, c'est facile. Mais quand je te dis de me dire où commence l'orange, où finit le jaune, et que je zoome, tu ne vas pas être capable, tu vois, tu comprends. Il y aura toujours forcément dans des populations données un dégradé. Ou à un moment donné, quand tu te concentres dessus, tu vas avoir du mal à savoir où commence la race blanche, où peut commencer, où finit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de voir des subdivisions, même s'il peut apparaître des similitudes. Par exemple, à l'échelle crânienne, on n'est pas capable de différencier le crâne d'un maghrébin d'un blanc. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas le faire. Mais à l'échelle génétique, évidemment, on peut le faire. Les Maghrébins sont distincts des Arabes, c'est ça qui est drôle en fait. Péninsule arabique, qui eux sont un peu groupe J, je crois. Mais alors quoi, les Arabes seraient plus proches des Africains alors, ou c'est un autre groupe quoi. Les Africains sont au sud, ils sont la barrière, qui sont un groupe homogène, alors qu'ils sont eux-mêmes divisés en deux races. Il y a la race, il y a ceux qui va donner les pygmées ou les Bushmen. Oui. Et il y a ensuite la race Bantou. Les Bantous, oui, tout à fait. Donc ça, c'est cette division-là. Ensuite, vous avez le nord, là, vous avez le Maghreb. Et là, vous avez les Arabes. les Européens, les Blancs, et ensuite, après, vous avez les populations asiatiques, avec d'autres subdivisions. Et les Slaves, c'est les Blancs aussi, alors c'est Alors, les Slaves, c'est des Blancs, oui. Les Slaves, parce qu'ils viennent. Après, vous avez des mélanges, vous savez, la Russie, on dit que c'est un peuple, c'est une prison des peuples. Donc, vous avez des peuples à l'intérieur de la Russie. Donc, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des populations qui sont Khazars, qui Oui, sont Tartares, il y en a mais qui sont de nationalité qui sont russe? des mongoloïdes, Oui, alors aussi. des Asiatiques. Et donc, ils sont, donc ils ont, pour le coup, là, la Russie, c'est un peu une zone un peu multiraciale. Donc, dire de quelle race est la Russie, on pense soit à des blancs, c'est un pays de blancs, mais il y a des populations qui ne sont pas blanches. Donc c'est là où, après, ça devient, c'est là où il y a une subtilité, mais cette subtilité, encore une fois, n'annule pas le concept de subdivision raciale. Mais quand tu me dis aujourd'hui on peut déterminer la race de quelqu'un, donc il y a une hypocrisie alors, parce que pourquoi Bien sûr, parce que les. le business, il est Ils fondé disent dessus, ça c'est n'existe. ridicule. Pourquoi ils nous disent enfin, quand je dis ils, Non, non. dans la doxa dominante, on nous dit les races n'existent pas. Alors, c'est pas dans la doxa. Enfin, c'est pas. C'est Alors, quand je dis la compliqué. doxa, je fais référence évidemment à plus l'univers public médiatique. Parce que C'est normal. j'ai été voir les généticiens et ils sont plus subtils déjà. Non, non, Ils non. sont Les pas aussi généticiens ne vont tranchés jamais dire que. ça. Voilà. Déjà, déjà. Voilà, ils sont pas tranchés. J'avoue, ils sont pas Non, tranchés. non, Ils non. sont Ils pas sont pas tranchés. Ils sont tranchés. pas tranchés. Moi, mon objectif. Moi, Ouais. en fait, il faut bien comprendre une chose. Quand je dis que les races humaines existent, ce n'est pas une révolution scientifique. Je suis tout à fait en accord avec la réalité du consensus scientifique. C'est-à-dire qu'il y a bien une distinction entre ce que les généticiens font et disent entre eux, en colloque, dans des réunions, et ce qui se passe en public. Et la réalité, c'est que quand on explique que les races humaines n'existent pas, ça va à l'encontre simplement de l'hypothèse darwinienne et de l'évolution. C'est juste que, en fait, l'hypothèse de l'existence d'une subdivision dans l'espèce humaine est plus cohérente avec la science et cohérente avec la théorie de l'évolution que l'inverse. L'inverse, Donc, en fait, c'est juste une absurdité d'un point de vue scientifique qu'il n'y ait pas de division humaine. Et ça n'a pas de sens. Donc, la plupart des scientifiques sont embêtés parce que ça va à l'encontre de l'idéologie arc-en-ciel, de l'idéologie du métissage, etc. Et donc, les scientifiques, les paléanthropologues, etc., se retrouvent dans des situations où ils ont conscience, où c'est polémique. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas, ils ne, ils sont très rarement sur les plateaux de télé, etc., et ne prennent pas parole. Et en fait, les Français, ou intellectuellement, les gens pensent que le sujet est clos, le débat est terminé, c'est fini. Mais pas du tout. C'est-à-dire que quand vous lisez les publications, vous mettez dans des revues, sur Internet, il y a des revues, de publications, Nature, Science ou d'autres, qui relaient tous les articles scientifiques, vous mettez race humaine. Vous verrez 60 000 articles en médecine, dans plein de domaines. Et c'est juste que. C'est juste qu'un scientifique, quel est son intérêt de parler de ce sujet, sachant ce qui va lui arriver, c'est en termes de pression politique, de pression simplement médiatique, c'est juste un tabou. Bah, c'est un tabou et c'est un sujet hautement idéologique. C'est-à-dire, tu Oui, touches à ce en sujet-là, fait, et peu c'est. intéressant scientifiquement. En fait, c'est ça qui est très, très intéressant. C'est quand, d'un point de vue de l'intérêt de la connaissance, ça a peu d'intérêt pour un scientifique. Finalement, pour un scientifique, ça n'a pas beaucoup de valeur. Très bien, il y a des races humaines, oui, parce que c'est en accord avec le principe général de la théorie de l'évolution. Vous comprenez? Si, par exemple, il y avait une théorie qui remettait en cause une grande partie de la science. Là, je veux bien qu'il y ait une opposition forte, parce que moi, je crois au consensus scientifique. Donc, quand les scientifiques ils se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets, je pense qu'ils ont raison. Et le fait est que ça n'a pas beaucoup de valeur, la question raciale, on va dire intellectuellement, pour les scientifiques, parce que simplement, ils sont d'accord, parce que c'est conforme à la théorie de l'évolution. Ça ne va pas à l'encontre de cette théorie. Elle est en accord avec cette théorie. Vous voyez? Et ils ont eu l'expérience plusieurs fois, quand des scientifiques ont parlé de ça, et ben ils ont vu les polémiques, les tensions, les menaces. Donc, si vous voulez, les scientifiques ils disent, pour quelle raison vais-je aller sur ce terrain-là? Et pour Qu'est-ce prendre que des je. coups, Pour me prendre des coups pour finalement un sujet dont c'est tout le monde sait qu'il est vrai. Enfin, tout le monde est d'accord, on travaille dessus. Il y a des sociétés qui reçoivent qui font des tests ADN pour déterminer à quel groupe ethnique, quel euphémisme, auquel vous appartenez. Mais comment c'est possible si on est tous métissés, s'il n'y a rien, il n'y a pas de groupe et on est tous ensemble et qu'on se ressemble tous? Pourquoi? Comment on peut le faire? Donc c'est évident, et c'est ça qui est intéressant et ambigu dans notre société, c'est que le système, enfin, ces sociétés ont intérêt on font un business dessus, donc elles doivent avoir des résultats, Mais pourquoi donc elles ne peuvent pas se aujourd'hui, mentir. qu'est-ce qui fondamentalement pourrait déranger à expliquer l'existence des races, hormis justement l'approche dont on parlait tout à l'heure du 19e de hiérarchie, si on enlève cette approche hiérarchique et qu'elle est simplement scientifique au sens, bon bah voilà, les différences sont celles-ci et celles-ci. Qu'est-ce qui dérange en fond? C'est quoi que ça viendrait perturber l'idéologie? Ben ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est aux scientifiques de parler. Mais je pense que. Bah déjà, premièrement, si dès le début on définit ça, ça voudrait dire qu'une société multiraciale n'a aucun sens. Si on est d'accord pour dire qu'il y a une homogénéité raciale, ça légitime simplement le discours de dire, mais nous voulons un discours. Ça peut légitimer un discours politique. En fait, les scientifiques, leur crainte absolue, c'est quelque part que des hommes politiques ou des leaders politiques, ou des politiques disent, mais à l'aune des études de ce monsieur, je peux soutenir que il y a des races, et donc D'accord. je me sens légitime scientifiquement parlant de défendre telle ou telle politique. Et donc en fait, les scientifiques ne veulent pas ça, et ne veulent pas en fait que des connaissances scientifiques pourraient être utilisées, je pense, politiquement. Je pense que leur angoisse D'accord, je serait là, comprends, d'accord, oui. et que fondamentalement, ben, on ne les bride pas dans leurs recherches, les scientifiques. Les généticiens, les biologistes, les paléanthropologues, ils reçoivent des fonds, ils reçoivent des subventions, on ne les bride pas, on les laisse travailler sur la génétique. La génétique en médecine est utilisée pour soigner des gens. Il y a déjà des médicaments en fonction des races, des ethnies, Oui. comme ils disent. Donc c'est pour ça que c'est bizarre, parce que, si vous voulez, on ne les bride pas. Le système continue à fonctionner, les scientifiques continuent à faire des recherches. Il y a une sorte de statu quo sur la prise de parole. Vous n'exprimez pas une parole. À ce niveau-là, il y a une sorte d'implicite, tout simplement. Parce que ça me donne l'impression qu'en gros, les races existent, mais il ne faut pas le dire, qu'il faudrait surtout Ben, pas je crois que c'est plutôt. Après, évidemment, il y a toujours des scientifiques qui le disent. Par exemple, ça c'est le problème, c'est que c'est le microclimat français intellectuel, c'est qu'on a l'impression que personne n'en parle. Mais en fait, quand vous allez aux États-Unis, vous avez des scientifiques qui en parlent, qui même écrivent là-dessus. Par exemple, vous avez un auteur, c'est Sarik. Vincent Sarik, il a écrit un livre sur l'existence des races humaines. Ça date de 2004, où il explique pourquoi il adhère à l'existence des races humaines. Et c'est un scientifique très important qui a inventé la datation chronologique à partir de l'étude des gènes, etc., qui a révolutionné. D'accord. Richard Dawkins parle de lui en disant c'est un des plus grands esprits. Vous voyez, et il a écrit, et lui, il adhère à l'idée que les races humaines existent. Et pour lui, c'est le principe de spéciation qui fait apparaître les races humaines. Il le dit dans son livre. Il a écrit un livre, je pourrais le mettre en lien. C'est, attendez, je l'ai noté, c'est la différence des races humaines, la question de la réalité des différences de races humaines. Voilà ce que je dis en français, mais évidemment, vous pouvez l'acheter hein, sur Amazon, il y est, si vous êtes bilingue. Et il fait une analyse, il explique point par point tous les arguments sur cette question des races humaines. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, il est l'un des rares qui fait une étude très précise des chimpanzés et des bonobos. Parce que, vous savez, il y a deux espèces. On dit il y a l'espèce des bonobos et l'espèce des chimpanzés. Il dit, OK, scientifiquement parlant, on a distingué les deux. Donc, il a étudié les crânes, la morphologie, la phénotype. Et ensuite, quelle était sa conclusion? Pour faire simple, il a conclu que les bonobos et les chimpanzés, qui sont deux espèces, ont plus de ressemblance entre eux que finalement les humains entre eux. Ça veut dire que les humains sont plus différents que le sont deux espèces de singes. Ça veut dire qu'il y a plus de différences au sein de notre propre espèce que dans l'espèce de chimpanzés, alors que les scientifiques n'ont pas hésité à en faire deux sous-espèces. C'est-à-dire qu'on a déjà produit scientifiquement, ça voudrait dire que lui, pour rigoler, il dit bah, en fait, il faudrait faire Homo sapiens africanus, africain, Homo sapiens européen, Homo sapiens asiatique. Ouais, c'est ça la conclusion qu'il dit. C'est-à-dire que si on allait jusqu'au bout de ce qu'on appelle la phylogénie, il faudrait faire ce genre de distinction. Mais alors, bien sûr, sur les chimpanzés, on peut le faire parce qu'on s'en fiche, il n'y aura pas de procès. Personne ne va faire des procès. Peut-être les véganes ou je sais pas qui. Mais à part ça, si vous voulez, on le fait déjà pour d'autres primates qui nous sont proches, les chimpanzés et nous avons un ancêtre commun. Et puis il dit, mais pourquoi on le fait pour eux? Quel est le critère? Parce qu'ils ne se ressemblent pas. Mais comment se fait-il qu'eux, ils se ressemblent plus entre eux? Vous prenez un bonobo, vous prenez un chimpanzé, pour faire simple. En fait, il a pris énormément de crânes, il a fait des mesures sur des milliers de crânes de chimpanzés, de bonobos, d'humains, de rapports du fémur, de la proportion des membres, D'accord, etc. Et il s'est rendu compte simplement qu'il n'y a pas, il y a une variété phénotypique, c'est-à-dire des physiques entre les hommes qui est extraordinairement plus importante dans notre espèce que dans l'espèce que qu'entre un entre deux bonobo et un et un chimpanzé. chimpanzé. D'accord. Et il dit, et pourtant, on nous met cet argument, il a dit, mais il tient Parce pas. que, mais c'est les différences justement génétiques qu'on peut observer qui vont définir ce qu'est une race. C'est quoi concrètement entre par exemple deux races distinctes Ben, concrètement? Comment on pourrait les comprendre? Puisque Voilà, on nous dit, bah non, tout le monde est pareil, on est tous des humains. Bon, on l'a compris, mais c'est quoi la différence génétiquement? Comment ça... Parce que j'ai un exemple peut-être. Alors, je vais t'illustrer peut-être avec un exemple que je t'avais vu évoquer. Les noirs dominent certains sports. Et on peut se. Et c'est, alors, c'est non, un grand... donc c'est pas génétique. Toi, alors, tu voudrais savoir, y a-t-il une corrélation entre une race et des propriétés physiologiques? Tout à fait. D'accord. Donc, oui, quand on regarde les proportions, il y a un livre qui a été écrit, je suis désolé, j'ai oublié, exclusivement là-dessus, c'est-à-dire sur les spécificités physiques des différentes populations humaines. Donc, je pourrais le retrouver, mais honnêtement, j'ai oublié. C'était un journaliste sportif et qui a écrit avec des scientifiques et uniquement sur ça. Et donc, effectivement, il a constaté des aptitudes innées chez les de race noire pour un certain nombre d'aptitudes physiques. Et effectivement, en fait, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, des proportions des membres. Par exemple, il y a une chose, c'est simple. Pourquoi les Noirs, les hommes de race noire, nagent moins bien? En moyenne. Évidemment, il faut bien comprendre qu'on parle en moyenne. C'est-à-dire qu'on prend une population, on fait un calcul, on se rend compte qu'en moyenne, les Noirs vont être très mauvais en natation. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est parce qu'ils avaient les muscles denses et que justement, ils coulaient. C'est tout à fait à cause du poids. C'est la densité musculaire. Par contre, justement, c'est pour ça que c'est les meilleurs au sprint. Par exemple, ils sont meilleurs en sprint parce qu'ils ont une densité musculaire très forte. Et en sprint, ils sont très bons par cette capacité physiologique innée, mais ça ne veut pas dire qu'un blanc ne peut pas le faire. Oui, oui. Ça veut dire qu'il peut y arriver dans la population blanche, de la race blanche, des hommes qui naissent avec une capacité génétique extraordinaire, qui sort vraiment de la moyenne et qui leur permettent de concourir et même d'être meilleurs qu'un noir. Mais en moyenne, ce n'est pas le cas. Vous voyez, vous comprenez ? Un asiatique, en moyenne, par exemple, va avoir moins de testostérone, va avoir une proportion plus faible, plus petit, plus moins agressif, etc. Parce qu'en fait, fondamentalement, quand on a plus de testostérone et plus de muscles, c'est généralement on a plus d'agressivité. C'est ça, en fait, le problème. C'est pourquoi le problème, c'est que quand on associe finalement le groupe ratio, c'est qu'on associe des propriétés physiques, puis ensuite des propriétés psychologiques et intellectuelles. Parce qu'en fait, il est là le discours, pourquoi il fait peur. C'est parce qu'en fait, c'est comme Dès qu'on va voir un noir, on va lui attribuer toutes les qualités qu'on a prédéfinies de la race. C'est ça aussi qui peut être dangereux, peut-être, non ? Il y a aussi ça, mais sauf que la réalité, c'est que... Enfin, voir autre. Oui, mais sauf que c'est une réalité factuelle qui se mesure, qui se teste. Mm-hmm. Je veux dire que quand vous regardez aux États-Unis, dans les études l'organisation de la société américaine multiraciale, vous avez généralement la criminalité surreprésentée par les Afro-Américains. Tout à fait, les populations de race noire sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus criminels, ont des comportements criminogènes, etc. La question, c'est est-ce que le social, le sociologique, etc., explique? Or, en fait, il n'explique pas. Parce que quand on met en avant, par exemple, la pauvreté, etc., on se rend compte qu'à facteur équivalent, les races ne se comportent pas de la même façon. Et donc, c'est ça, tout l'enjeu, il est là. Mais après, on mélange d'autres thématiques. Mmh. Mais tout l'enjeu, il est là. Et tout l'angoisse, finalement, de la question biologique, c'est finalement de se rendre compte qu'un certain nombre de comportements qu'on pensait être des phénomènes sociaux, l'inégalité, la pauvreté, le manque d'éducation, finalement n'étaient pas eux des causes, mais étaient en fait des conséquences de la réalité biologique. C'est parce que qu'on a un QI entre 80 et 90, qu'on a plus de testostérone, qu'on se retrouve à être plus agressif, plus dans la criminalité, moins dans les études. Et donc forcément on est plus pauvre. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas la cause, elle est la conséquence logique d'une situation biologique. Et ce discours-là, finalement, est le discours qui terrifie le plus les gens, quelque part. Oui, parce qu'ils sont biberonnés aux sciences humaines et au discours des sociologues, etc. Ce serait presque interdit, un discours comme celui-là aujourd'hui, presque, non ? Enfin, ça, tu marcherais sur des œufs, quand même, à développer quelque chose de politique dans ce discours-là. Je peux comprendre, mais en fait, il faut s'en rendre compte que, certes, mais... Ce qui est intéressant, en fait, dans le débat, par exemple, si on prend les populations noires aux États-Unis, et on se rend compte un certain nombre de choses qu'on dit sur les familles noires, où le père n'est pas là, le père est absent, où souvent on a des rappeurs qui témoignent de leur vie, ou des dealers qui disent, voilà, chez moi, il y avait ma grand-mère, j'étais élevé par ma grand-mère, j'étais élevé par ma mère, etc., tout ça. Et en fait, on se dit, bon, est-ce que c'est social, etc. On se dit, certains expliquent, voilà, c'est la conséquence de l'esclavage, c'est la conséquence de la ségrégation, c'est la conséquence du racisme. Très bien, analysons ça. Donc, et on regarde ça, des études, des chercheurs se sont posés ces questions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la question, c'est est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux Noirs américains ? Mm-hmm. Et en fait, Il y a des études qui ont été faites par un certain Raymond Smith en 56, lui qui proposa le concept de matrifocalité. En fait, la matrifocalité, c'est pas le matriarcal, c'est pas le matriarcalisme, c'est simplement une situation où il explique que, ben, je pourrais juste vous le lire, en fait, c'est encore plus simple. C'est lui conclut que dans les familles noires, les femmes auraient besoin d'un compagnon pour élever les enfants en bas âge, mais s'en passeraient plus facilement à mesure qu'ils grandissent et participent aux frais ménagers. Dès lors que la présence d'un homme à la tête du foyer n'est plus une nécessité économique, le dit foyer deviendrait du coup féminin, maternel et non conjugal, donc matrifocal. Ici, les relations conjugales ne sont considérées d'un point de vue affectif, que d'un point de vue, non pas d'un point de vue affectif ou éducatif, mais d'un strict point de vue matériel et économique. Les relations de couple se résumeraient essentiellement à des échanges économico-sexuels. Et quand vous mettez matrifocalité, vous dites est-ce que ça existe ailleurs ? Et en fait, quand vous regardez, par exemple, en Afrique, ça existe, la matrifocalité. C'est-à-dire qu'il arrive effectivement que ça soit ainsi. C'est-à-dire, vous le lisez, vous voyez qu'on explique que vous avez des hommes qui peuvent rester un an, deux ans dans le foyer, avoir des enfants, puis partir. Mais l'enfant reste avec la mère et la grand-mère. Et finalement, on se dit, mais alors, est-ce que finalement... Ce qu'on considère aux États-Unis, c'est-à-dire cette vie d'Américains, de Noirs américains qui vivent avec leur grand-mère et tout, est-ce que c'est finalement une cause culturelle ou est-ce que finalement ce n'est pas l'expression d'une spécificité biologique ? Puisqu'on le retrouve en Afrique, indépendamment dans des populations qui n'ont pas connu d'esclavage, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Donc alors la question, elle est là. C'est, peut-être qu'il se trompe, je ne dis pas le contraire. Je dis peut-être que c'est une erreur. Ou peut-être qu'en fait, non. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans la race noire, les peuples noirs, ont cette organisation-là, en fait. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils structurent leur famille. Et qu'effectivement, transposer ces populations noires dans un monde européen ou dans un monde blanc, c'est chaotique. Parce que dans un monde blanc, la famille est structurée, ou même dans un monde maghrébin, la famille est structurée par le père. Le père reste dans la famille, a des enfants, et donne son nom à son fils, etc., à ses enfants. Ce qu'on appelle le patriarcalisme. Et donc, finalement, le débat est beaucoup plus subtil et intéressant de ce point de vue-là, même d'un point de vue finalement de la question. Mais sauf que ça pose la question d'une incompatibilité totale entre certaines races. Et finalement, de cette question, est-ce que la ségrégation qui a été pensée, ou le fait de ne pas vivre dans une zone où on partagerait la même aire géographique avec des races différentes, est-ce que ce ne serait pas la meilleure des solutions pour éviter les conflits, les haines et les tensions ? Alors ça, c'est politiquement correct de se poser cette question, justement, parce que est-ce que. C'est toutes les bases raciales que justement tu expliques. Est-ce que c'est pas ça qui fait que si on va plus loin encore dans le processus, là, comme tu viens de l'expliquer avec l'exemple des Noirs américains, bah, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en cause toute la paix civile, la paix sociale? Je veux dire, c'est pour ça qu'aux États-Unis, la question est très complexe. Parce que les Noirs américains sont intimement liés à l'histoire nord-américaine. Donc, même si je comprends parfaitement, même si je suis tout à fait. Je trouve que le discours d'American Renaissance et de ce discours du nationalisme blanc est cohérent, mais il est assez difficile aux États-Unis parce que la population noire américaine est liée à l'histoire des États-Unis. Alors que par exemple en France, il est relativement simple finalement. C'est-à-dire que c'est juste retrouver en France la France qui a toujours été et qui n'a jamais été autre chose. Il n'y a pas eu d'esclavage sur le territoire français. Les populations actuelles sont extrêmement récentes. Et elles ne se sentent de toute façon, elles ne s'intègrent pas et elles ne s'assimilent absolument pas. Et de toute façon, c'est logique parce qu'elles sont de races totalement différentes. Et donc, la solution de la rémigration pour retrouver l'homogénéité raciale est un absolu total. Politiquement, il ne peut pas en être autrement, sinon c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de l'Occident, c'est la fin de la France. Il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que la base civilisationnelle de la France, c'est la race. C'est-à-dire que. C'est comme si on me disait, mais vous savez, mais si les Maghrébins, les Africains se convertissaient massivement à la chrétienté, ils aimeraient la France, mais soit, mais ils ne seraient jamais des Français. Un Français, c'est avant tout un blanc. Encore une fois, l'assimilation, c'est un mythe. C'est un mythe. Dans les faits, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'assimilation. C'est un mythe, c'est une mythologie. Ça veut dire simplement qu'on a inventé un discours. Un mythe, par définition, c'est une histoire dont on sait qu'elle est fausse, mais on fait semblant d'y croire, parce que ça arrange tout le monde. Donc on avait des mythes assimilationnistes en disant voilà, tout le monde peut devenir français, etc. Le problème, c'est qu'on est passé du mythe à l'idéologie. C'est qu'on s'est mis à croire à ce mythe, ce qui est devenu une idéologie. On s'est mis à croire que vraiment, on peut faire de n'importe qui, n'importe quoi un français. Mais c'est les Français eux-mêmes qui ont... Tout à fait, mais ça, c'est la spécificité de l'histoire française liée à l'Empire, à son histoire, à sa spécificité. Mais les Français se sont mis à croire à quelque chose qui était initialement un mythe. C'est-à-dire qu'on s'est mis à croire à quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça que c'est devenu une idéologie. Et qui, paradoxalement, est aussi partagée par une certaine gauche et aussi par une certaine droite, qui est assimilationniste. Moi, quand tu me dis ça, justement, parce que l'assimilationnisme français, est-ce qu'on ne peut pas le lier, justement, au catholicisme et à son universalisme? Et que, par exemple, quand la France, elle va en Amérique du Nord et qu'elle dit aux Indiens, qui ne sont pas la même race, pour le coup, vous pouvez devenir français en vous convertissant au catholicisme, est-ce que c'est pas un mythe assimilationniste? Mais, je suis d'accord avec ça, parce qu'on peut même reprendre simplement le discours de Roger Olyndre, avec tout le respect qu'on a pour son histoire. Mais si je me souviens bien, il avait expliqué que le colonialisme, finalement, a été une chance, parce qu'on aurait... le projet aurait été beau, ça aurait été de transformer tous ces Maghrébins qui étaient là en Français et en chrétiens. Donc en fait, le rêve de Roger Olyndre, c'était que l'Algérie devienne un département français et qu'il y ait des millions de non-blancs, soit chrétiens, pour le reformuler autrement, soit des non-blancs deviennent... Et l'illusion de devenir des Français et deviennent chrétiens. En fait, ça aurait été juste une situation catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons son rêve se soit réalisé. Ben aujourd'hui, vous auriez des millions et des millions de Maghrébins à qui on ne dirait pas réémigration. Parce qu'ils diraient, mais nous, on est Français. Moi, je suis chrétien, je suis ton frère, je suis mon frère, etc. Mais je suis sûr et certain que la criminalité serait la même. Et pourquoi? Parce que simplement, il suffit de voir les États-Unis. Les latino-américains qui sont chrétiens, qui ont des croix, qui prient, qui ont Jésus-Christ, tout ça dans leur cœur, ça ne les empêche pas de tuer, de faire des gangs, de massacrer, etc. Pourtant, ils ont la même religion. Un latino-américain est bien plus proche, quelque part, d'un point de vue de culture, parce qu'il a Jésus-Christ, ils ont la figure du Christ, ils ont la figure de l'autorité du pape, s'ils sont des catholiques. Les catholiques et tout, ils vivent dans un pays quand même, bon, les États-Unis, même s'ils sont protestants, ils sont quand même chrétiens. C'est des églises qui construisent, les latino-américains, ils ne construisent pas des mosquées. Et pourtant, ça se passe extrêmement mal, en termes de violence, en termes de cohabitation, les blancs fuient ces quartiers-là, etc. Il y a une culture aussi, une question culturelle. Mais moi, je pense que c'est une question raciale. Et toi, tu penses que c'est une question raciale. Tout simplement. Et je pense que, heureusement que le colonialisme a échoué de ce point de vue-là, c'est-à-dire que De Gaulle a pris cette décision, il a sauvé la France quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on serait juste dans une situation peut-être 10 fois pire. Mais après, bon, c'est des spéculations. C'est sûr que refaire l'histoire, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je veux dire que c'est intéressant de remarquer que le discours antiraciste, effectivement, est a une spécificité culturelle française. Et qui est évident parce que vous n'avez même pas des traductions de ce genre d'auteur. Enfin, je veux dire que y a quand même des écrits de scientifiques qui se posent la question. Richard Lynn n'est pas traduit, Rushton n'est pas traduit. Ah oui, bah ça, Vincent Sarik. C'est marrant, c'est tous les auteurs que j'ai notés que j'ai. Vincent Sarik n'est pas traduit. Lynn, ouais, il n'y a pas de vulgarisation. Pourquoi comment se fait-il? Pas me faire croire que quand même il n'y ait pas dans toute l'histoire de gens qui font des études et qui ont une sensibilité nationaliste, etc., qui ont fait des études de biologie ou autres, qui ne peuvent pas, à un moment donné, prendre la parole et dire « Mais attendez, les races existent, faisons une analyse rationnelle et scientifique de la question. » Est-ce qu'on ne peut pas expliquer, finalement, un certain nombre de problèmes sociaux par la question d'avoir des populations de races différentes qui n'ont rien à voir avec un différentiel de QI beaucoup trop important? Sur l'éducation nationale, par exemple, on peut prendre l'exemple. Les gens, ils disent, le raisonnement, c'est de dire, voilà, le niveau baisse parce que le programme, les exigences, les professeurs sont moins exigeants vis-à-vis de leurs élèves. On peut avoir un raisonnement inverse. C'est parce que les élèves en question ayant un niveau de QI plus bas que ce qui était le standard de l'éducation nationale précédent, qu'il est obligé de s'adapter aux nouveaux élèves et aux nouveaux arrivants. Mais il ne peut pas s'adapter en faisant un programme en fonction des collèges et des lycées, parce que c'est trop visé. On va pas dire, écoutez, pour les blancs, on va continuer le passé composé, le plus que parfait, mais bon, là, ici, on va faire du passé simple, on va faire du présent, restons sur le présent indicatif pendant jusqu'au lycée, c'est déjà bien. C'est pas possible. En fait, le niveau, de toute manière, ils peuvent même pas le concevoir. En tant que professeur de gauche, il peut pas absolument se dire dans sa tête que le niveau baisse parce que il a des populations non blanches qui ont un QI plus bas. Il peut pas le concevoir, ça. Donc, Il va simplement se dire, voilà, il faut changer, il faut des méthodes. En fait, la méthode précédente n'est pas bonne, ça stigmatise, parce que les parents sont pauvres, parce que les parents ne lisent pas le français, etc. Donc, il faut s'adapter, adaptons-nous. Mais effectivement, ils s'adaptent à ce QI plus bas. Et c'est pour ça que les réformes de l'éducation nationale vont dans ce sens-là. Donc, et la cause n'est pas que la politique, les politiciens ne font mal leur travail, c'est que les politiciens sont face à un mur qui est la réalité raciale. Et face à ce mur, c'est pas que la machine de l'assimilation est tombée en panne, c'est que c'était un mythe. Il faut se réveiller maintenant, c'était un rêve. En fait, ça n'existe pas, il n'y a pas d'assimilation, on ne va pas assimiler des millions de non-blancs, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Et quand ça existe, c'était des empires avec des rapports conflictuels, et c'est exactement ce qui se passe. Et puis, c'est comme Jared Taylor, je crois, si je ne me trompe pas, qui disait que le gros problème, en plus, c'est que quand vous avez un fait donné, les Noirs l'interprètent d'une façon et les Blancs vont l'interpréter d'une autre. Il dit, de toute façon, comment peut-on concevoir l'unité dans un pays si la donne raciale prend toujours le pas sur la compréhension de la réalité ? C'est vrai, ouais. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, c'est typiquement ce qui se passe avec la question avec Tariq Ramadan. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, vous avez une sorte d'hystérie collectif autour de lui, comme si c'était une victime absolue, etc. Mais parce que c'est une vision communautaire... Tribaliste qui oui, prend le pas, ouais, d'accord. Et donc il n'y a alors que pour d'autres personnalités ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une interprétation. Mais c'est comme sur l'islamophobie, c'est-à-dire que fondamentalement il y a une sorte d'incommunicabilité finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui se disent d'une communauté, même si individuellement vous pouvez avoir de la sympathie, des discussions, etc. À un moment donné, la loi tribale prend le dessus. Donc comment peut-on fonder l'unité nationale d'un pays si des gens mettent au-dessus de ce pays la loi tribale? Oui, ça me paraît, c'est clair, impossible. Donc cette impossibilité n'est pas la faute des politiques, c'est pas la faute des hommes politiques, de leur programme politique, qu'ils n'ont pas fait assez d'assimilation, qui n'ont pas été ceci, cela. C'est juste que la présence de millions de non-blancs détruit l'unité nationale et détruit la civilisation dans laquelle ils sont. Il ne peut pas en être autrement, parce que la base de la civilisation européenne repose sur le peuple européen. Il peut y avoir différents peuples, il peut y avoir des histoires, des dynamismes différents. Mmh. C'est-à-dire que quand vous étudiez l'histoire de l'Antiquité, à un moment donné, les Grecs portaient le flambeau de la civilisation européenne. Ça passe chez les Romains, qui à un moment donné vont passer à la France. Ça va générer, puis ensuite les Germains, etc. Mais ça reste dans ce monde-là. Ça reste un monde homogène, racialement. Mais ce n'est pas parce que ce monde se divise, peut se mener des guerres, que ça annule le principe d'une homogénéité civilisationnelle. C'est une même ère de civilisation, même s'ils se font la guerre. D'ailleurs, donc ces caractéristiques communes, on peut vraiment les attacher donc, à un territoire. Quoi. Tout à fait. C'est le principe des haplogroupes et des études génétiques. Alors, Parce que tu présentes une carte que j'ai revue aussi chez une généticienne qui, à partir du génome humain, établit une carte et en fait qui correspond aux frontières naturelles. C'est assez étonnant. Tout à fait. Parce que c'est le principe de l'évolution. L'évolution se fait par l'isolement géographique. Il y a d'autres procédés qui se font, mais je reste sur celui-là. Vous pouvez avoir même un isolement. Vous pouvez même avoir dans une sein d'une population une spéciation qui se fait à l'intérieur de la même population. En gros, pour comprendre le processus, on a un espèce d'ancêtre commun. C'est ça, voilà. Et qui va quoi ? Ça va se diviser, c'est ça, entre un arbre phylogénétique. Voilà, donc en gros, son enfant qui va à droite et l'autre qui va à gauche. On va dire ça, voilà. Voilà, pour simplifier. Et donc, eux vont se développer chacun à leur tour. Et maintenant, comme tu dis, c'est le phénomène de spéciation, c'est-à-dire ils vont avoir un profil génétique différent qui va apparaître. Là, t'as pris comme ça, mais tu peux aussi avoir une population qui reste là où elle est, qui ne bouge pas. Et on va dire ils sont 100, et t'en as 30 qui partent. Il y en a 30 qui partent, prennent leurs affaires, et ils partent. Puis 10 000 ans, 15 000 ans, 100 000 ans plus tard, ça donne une autre espèce. Ah, d'accord, tout à fait. D'accord. Ça peut être ça, ça peut être tout à fait ça. Mais est-ce qu'au départ, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, puisque pareil, les paléontologues nous disent qu'il y avait plusieurs races d'hominidés. Plusieurs espèces, pardon, d'hominidés. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu un mélange là aussi ou alors parce que... comment ça a pu se passer alors Parce que là, c'est plus que les races, déjà, carrément, on est d'autres espèces. Déjà, faut rappeler. Ouais. Techniquement, on est capable de faire du séquençage d'ADN fossile sur du moins 400 000. Donc il y a des espèces qui datent de 2 millions d'années. Donc déjà, là, on est en train de parler uniquement de l'étude des fossiles. C'est-à-dire qu'on D'accord. prend un fossile, on étudie ses propriétés physiques, D'accord. la taille du crâne, les angles, etc., etc. Mm-hmm. La mesure métrique crâno-faciale, etc. Et à partir de ça, on fait des comparaisons. On dit ce crâne ressemble plus à celui-là que celui-là. D'accord. Donc c'est comme ça que les paléanthropologues étudient. Quand ils peuvent avoir les séquences génétiques, ou les séquences de l'ADN, quand ils peuvent faire un séquençage de l'ADN, ils le font, mais on n'a pas besoin de ça pour faire un arbre phylogénétique. Donc, mais par contre, pour savoir s'il y a eu du métissage, il y a 2 millions d'années, il faudrait avoir l'ADN. Pour l'instant, on ne peut pas. Par contre, on a des fossiles, mais le matériel fossile, il est relativement... pour certaines espèces, vous allez avoir beaucoup de fossiles. Pour d'autres, vous en allez avoir peu. Par exemple, je prends un exemple simple. Néandertal est mieux connu que Sapiens. Néandertal, c'est quelle époque à peu près pour Alors, Néandertal, sinon je fais rapidement pour tout le monde, je reprends le début. Notre espèce, la lignée du genre, notre lignée, ce qu'on appelle la lignée des hominidés, il date, on dit que c'est il y a 7 millions d'années. D'accord ? Il y a 7 millions d'années, il y a une espèce dont on parle, c'est Sahelanthropus tchadensis, Toumaï, découvert par Michel Brunet. Dans le désert du Tchad. Donc, c'est le plus vieux qu'on ait trouvé. Donc, on pense que c'est lui le premier à avoir ce processus dit hominisation. Pourquoi ? Parce qu'il est bipède. Il a pas de crocs comme les singes. Il a des petites canines. Il est bipède parce qu'en fait, le foramen magnum, là où vient s'insérer la colonne vertébrale, elle se met ici. D'accord ? C'est le trou. Alors que, par exemple, si vous aviez un crâne d'un chien, sa colonne vertébrale va s'insérer comme ça, parce qu'il est quadrupède. Okay, oui, si vous êtes bipède, elle va s'insérer ici. Comme ça, d'accord. D'accord. Okay. Donc, dès le début, on voit, il y a 7 millions d'années, un petit singe, mais bipède, qui n'est pas du tout... qui fait de la bipédie, et donc qui a des dents particulières, etc. Mmh. Donc, je ne vais pas rentrer. Et à partir de là, apparaît ensuite les fameux australopithèques, Lucie. C'est Lucie, c'est ce qu'on appelle... Vous avez Afarensis, Anamensis, vous avez des australopithèques, bon. Et à un moment donné, apparaît un nouveau genre qui a une meilleure bipédie, qui est plus grand, qui marche mieux, et apparaît les outils. Et ça, c'est à peu près il y a 2 millions d'années, 2,6 millions. Et donc là, ça commence le genre Homo. Donc vous avez des anciens singes, une forme très primitive d'hominidés, ensuite vous avez des australopithèques, et des australopithèques apparaît quelque chose qui a évolué et qu'on va appeler Homo habilis, du genre Homo. Voilà, on invente le genre Homo habilis. Alors, quelle est la spécificité, pour faire simple? Un cerveau plus gros et la bipédie, une bipédie meilleure, et des outils qui apparaissent, etc. Alors, je rentre pas dans le détail de tout ça. Et ensuite, apparaît ensuite une espèce Homo habilis. Ensuite, vous avez Homo erectus. C'est lui qui parle, c'est ça qui s'habille? Non, erectus, c'est simple. C'est, il y a 2 millions d'années, c'est simplement celui qui est érigé. En fait, c'est parce qu'il a une bipédie permanente qui est quasiment exactement la même que la nôtre. Okay. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions d'années est déjà apparue la structure osseuse des hanches que nous avons aujourd'hui. D'accord. Qui courait certainement. C'est-à-dire qu'il chassait, il courait, comme nous, on peut le faire aujourd'hui. Donc, il est déjà très moderne au niveau de la bipédie. Alors, il a gardé des clavicules de singe, on va dire, c'est-à-dire de brachiation. Il a une clavicule des clavicules particulières. Il a un crâne plus gros. Les australopithèques, on est autour de 450 cm3. Ensuite, on passe à 500, 600, etc. Donc, on monte comme ça dans le volume crânien. Et donc, Erectus, lui, pourquoi il est important? Parce qu'il va sortir d'Afrique. Ce sera le premier à sortir d'Afrique. Donc, il va aller peupler l'Europe, il va aller peupler l'Eurasie, il va se retrouver en Chine, etc. Donc, j'ai fait une vidéo, chapitre 2, sur Erectus. Donc, je compare un peu. On le retrouve partout, c'est l'Erectus. Donc, c'est celui qu'on retrouve. D'accord. Et lui, en fait, il va coloniser comme ça l'Europe. Et de lui naîtra différentes espèces encore. Donc, de lui va naître... Néandertal, de lui va naître Denisovien, et de lui va naître Sapiens en Afrique. Et là, je fais simple. Hein, pour faire simple, voilà, parce que apparemment, ce Néandertal, il aurait... En Europe. En Asie, c'est ça, il aurait... Néandertal, il est en Europe et en Afrique du Nord. En Israël, vous avez Néandertal, dans les sites israéliens, et en Europe. En fonction des saisons, des étapes, de la, si, quand ça se, enfin, des périodes de glaciation, il va migrer, il va augmenter. Alors, dans une de tes vidéos, je crois que tu expliquais que les Africains étaient les seuls à ne pas avoir de gènes de Néandertal. Tout à fait. Alors que la race noire n'a absolument aucun gène ni de Néandertal, ni de Dénisoviens. Donc ça, c'est... voilà. Par contre, par exemple, les Maghrébins ont du gène de Néandertal, mais en très faible quantité. Ceux qui l'ont le plus, au maximum, ce sont les Blancs, ce sont les Européens. D'accord. Les Asiatiques, eux, alors vous avez les Asiatiques du Nord-Est, du Sud-Est. Les Asiatiques du Sud-Est, ce sont, il y a eu une introgression, ce qu'on appelle avec Denisova. Mais en fait, ce qu'on a appris récemment par les études, c'est que vous aviez aussi, au sein des espèces néandertales-dénisoviennes, des races qui sont apparues. Parce que chez Néandertal, on sait maintenant qu'il a deux types d'ADN un peu différents. Donc il y a déjà eu un processus racial qui apparaît chez Néandertal et il y a déjà un processus racial qui apparaît chez Denisova. Donc on dit par exemple à Denisova qu'il y a eu un Denisova par le nord, un Denisova par le sud et qu'il y a eu une introgression avec des populations différentes, etc. Donc en fait, ça montre que le schéma est complexe et qu'il ne faut pas non plus faire des conclusions hâtives, ce n'est pas la peine, il suffit d'étudier. Mais ça nous permet simplement de se rendre compte que cette complexité ne nous permet pas d'avoir des réponses arrogantes de type ça n'existe pas, la science ça fait longtemps, et si vous croyez que les races humaines existent, vous êtes un idiot. Non, je suis désolé, quand vous étudiez cela, quand vous étudiez la recherche paléanthropologique chinoise, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument pas de consensus, et que plutôt le consensus, c'est dans l'idée qu'il existe des races humaines que l'inverse. Mais alors les races humaines, on ne peut pas seulement les définir sur les caractéristiques physiques, parce que c'est ça qui fait quand on pense race humaine aujourd'hui, je veux dire, le plus basiquement du monde, les gens vont te dire les blancs, les noirs, les chinois, et pour se lier à juste des simples Oui, caractéristiques mais c'est pas. physiques visibles, entre guillemets, Oui, alors que mais c'est pas plus vraiment. complexe que ça. C'est pas faux. C'est pas vrai en réalité. Parce que si vous montrez des albinos de race noire, donc des albinos, ce sont des populations qui ont des noirs mais qui ont la peau Blanc, hein, pour la blanche, peau blanche, et, les bah, cheveux blonds même et des fois. tu mets par exemple un albinos de race noire en ligne avec des blancs, tout le monde va détecter l'albinos. Tout le monde va dire non, mais lui, il est de race noire. Pourquoi? Parce que être de race noire, ce n'est pas simplement d'être noir. C'est avoir un type de crâne spécifique, avoir un rapport des membres, c'est tout un ensemble de propriétés physiques qui se mesurent dans le squelette, etc. Et c'est quelque chose que les humains sont tout à fait capables de détecter. Bah, c'est dommage, je ne sais pas si comme c'est un live, là on pourrait faire la crânométrie raciale hein, en live, hein, avec un smartphone. Hein. Vous téléchargez une application sur Play Store, d'accord? Vous allez sur Play Store, on va faire du racisme en live scientifique. Et on va faire ça de manière ludique. Alors, j'aurais dû sortir mon téléphone. En fait, vous allez sur Play Store, c'est pas la peine d'aller bien loin, et vous allez télécharger une application, c'est Skull 3D. Donc Skull, c'est dire Skull, ça veut dire crâne, ouais, c'est ça, en crâne anglais. 3D. Donc vous allez installer cette application. C'est dommage, comme ça je t'aurais montré, si t'as pas. Mais T'as ton téléphone? je T'as ton peux téléphone? je Tu peux peux? toujours aller chercher Bah si tu me vas-y, dis. fais-le en même temps, comme Alors, ça tout le monde va regarder, ça peut être voilà, tu me ludique. dis Skull 3D, hein. Oui, c'est ça, sur Play Store, on va le faire ça en Ok, l'air. bah écoute, on va Comme faire ça, on va simple. parler un peu de crâne et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ouais, non, je vais faire Tout en disant que ça n'existe pas, mais on est très différents, mais on n'est pas différents. Skull 3D. Montre-moi. Alors attends, je vais trouver Skull 3D. Voilà. Voilà. Hop. Je pense que je l'ai trouvé. Voilà. Montre-moi. Elle est là. C'est ça, voilà, C'est tu cliques sur celle-là. celui-là. Ouais, en Voilà, plus, je c'est l'ai validé par téléchargée. Google. D'accord. Google dit que c'est génial. Ouais, c'est Google me dit super. que c'est super, on va Donc là, l'installer. on va Attends pas. que ça s'installe. C'est tout à Voilà. fait mainstream hein, ce qui va se passer. Hein. C'est ça qui est génial. Donc autorisé par Google, hein. Donc Ouais, on n'est donc pas. là on est On n'est validé. pas. On est légalisé, hein. On n'est On est pas dans validé. la Moi, loi ou je quoi. parle sous l'égide d'une application Voilà. validée. Donc Alors, y a ça pas de m'a souci. attend à télécharger, normal. Et alors cette application, elle va nous. Elle va vous montrer des crânes. Elle va Alors, montrer. moi, je l'ai utilisé pour apprendre les différentes parties du crâne humain, à quoi ressemble l'os sphénoïdal chez l'homme, etc. Ouais. Puis, bon, je suis curieux, je cherche, et je dis, tiens, il y a un petit menu, tu l'as ouvert? Non, Non, non. elle met du temps à télécharger. D'accord. Bon, en fait, J'attends que ça télécharge. vous allez avoir dans le menu, en haut à gauche, vous avez en fait trois barres horizontales, c'est le menu, vous cliquez dessus. Et vous allez avoir trois petits crânes, qui sont des petits logos, et vous sélectionnez celui de droite. Et là, vous allez avoir un menu déroulant. Et tout en bas, vous allez avoir ethnique. D'accord? Ouais. Vous cliquez sur ethnique, et là, vous allez voir des crânes négroïdes, caucasoïdes, mongoloïdes, et à quoi ça ressemble. D'accord. Et quoi, il scanne ton propre crâne? Non, non, Non. non, Ah ils ne se non, cognent pas. C'est des d'accord. Ah, c'est schémas des de schémas de crâne. En crâne, fait, c'est de d'accord, la ok. crânométrie raciale. D'accord. C'est tout. Et on va faire ça, là. On va, eh ben, vous, enfin, vous allez, si jamais direct, ça fonctionne. Si bon, ça après, fonctionne, en ça, tout cas, vous pouvez le ça faire. Ça prend du temps. Hein, donc, non, si vous voulez regarder à quoi ressemble un crâne, comme on dit, négroïde, caucasoïde et mongoloïde, vous pouvez, vous verrez les différences. Donc, vous allez avoir, par exemple, chez l'Africain, un prognathie, c'est-à-dire une mâchoire plus en avant et plus développée. L'Européen va avoir un crâne plus globulaire, on dit en capsule, alors que l'Africain va avoir un crâne plus en arrière. Et il y a tout un ensemble de différences qui structurent le crâne. Oui, c'est comme... alors, je ne sais pas si les habitants des pays de l'Est, ils ont le crâne plat derrière. C'est une caractéristique. De l'Est, de quel pays de quel souvent les Slaves. Hein, je ne sais pas. Non, alors, pas. Bah, je vais dire un truc. Le problème de la crânométrie, pourquoi ça pose problème? C'est que... La crânométrie est significative quand vous prenez des populations extrêmement différentes. Là, vous voyez la différence. Mais dès l'instant, encore une fois, vous prenez un maghrébin, vous ne pouvez pas faire de différence entre un crâne d'un maghrébin ou d'un blanc. D'accord. Parce qu'au niveau du crâne, ce n'est pas suffisamment différencié. Ouais, mais cette caractéristique-là, elle est très particulière. C'est les gens qui ont un plat sur le mais attends, tu sais que culturellement, il y a eu des pratiques comme ça où on plaquait des choses sur les bébés et ça déformait le crâne. Ou sinon, il y a aussi le syndrome du crâne plat parce que l'enfant était trop allongé. Donc, comme le crâne d'un enfant prend des années pour se former, si par exemple, le bébé a été trop allongé ou allongé pendant des heures et des heures, son crâne peut s'aplatir. Là, c'est possible que les crânes dont tu parles, ça soit juste des conséquences simplement d'un comportement culturel. Par exemple, j'ai déjà observé ça chez plusieurs personnes. Et c'est pour ça que ça soit culturel. C'est pour ça que vous voyez les PMI, un pédiatre, quand il analyse votre enfant, il va analyser son crâne. Il va analyser son crâne parce qu'il va voir s'il n'a pas une forme plate. Pourquoi ? Pour voir si vous ne faites pas l'erreur de laisser trop votre enfant allongé. D'accord. Donc là, pour le coup, ce n'est pas racial. Mais c'est ça, d'où la subtilité, la complexité avec la question humaine. C'est que vient toujours se mêler la culture. Il y a le fameux cochi aussi chez les Noirs. Il y a une espèce de protubérance. Ça télécharge. Ça la boîte, ça prend du temps. C'est dommage. Laisse-le. Je laisse télécharger. Ça prend du temps, désolé. Mais oui, c'est intéressant parce que ces caractéristiques-là que tu as évoquées, bon, voilà, encore quand ça tombe sur le crâne, etc. Mais est-ce que ça voudrait dire, parce que déjà, pour comprendre aussi un peu la génétique, parce que je suis allé pour préparer l'émission, j'essayais de comprendre un peu ce que c'était. Oui. Parce que c'est ça le fondamental, la différence fondamentale qui va définir les races, ce sont les gènes, pas obligatoirement. En fait, encore une fois, pourquoi le problème des gènes, c'est que c'est très compliqué. C'est que le problème des gènes, c'est que, en fait, en soi, quand on dit 2%, 1%, 0,1, ce n'est absolument pas significatif, ça ne veut rien dire. Un grain de riz a 60% de gènes en commun avec nous. Enfin, ça veut rien dire. Si je mets deux grains de riz, ça fait pas un homme. Donc c'est-à-dire que les proportions dont on parle, si vous voulez, c'est tellement complexe, la génétique, que les raisonnements bateaux de proportions, de corrélations, n'ont pas beaucoup de sens. C'est trop complexe. Vous avez plein de phénomènes génétiques. Par exemple, il faut savoir que l'ensemble des gènes ne code pas. Il n'y a que... dans l'ensemble, il y a 20, je crois que les hommes ont 20 000 gènes. Sur ces 20 000, il n'y en a que quelques milliers qui codent, qui vont te donner, qui vont coder les protéines en question. Le reste ne code pas, ne sert à rien. On appelle ça des gènes poubelles, etc. Ouais. Mais par exemple, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour l'étude, on s'est dit, mais c'est ce qu'on appelle l'étude des microsatellites en génétique. C'est que quand vous étudiez, les généticiens se sont rendu compte, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas si mal que ça, ces gènes, parce que comme ils ne codent pas, ils ne sont pas sélectionnés dans la nature. Parce que, réfléchissez, si un gène, il code, par exemple, il code quelque chose, une propriété physique, par exemple, ma capacité à capter de l'air, à capter de l'oxygène dans l'air, et qu'il y a un bouleversement climatique, et il me faut, et ce gène qui était avantageux, dans ce contexte-là, mais désavantageux. Donc, je meurs. Ce gène, il disparaît. C'est-à-dire qu'un gène qui code a toujours le risque de disparaître dans l'environnement où il est. Mais un gène qui ne code pas n'a pas ce risque. Ça veut dire qu'il doit se transmettre... Il peut se transmettre indépendamment, quel que soit l'environnement, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, etc. Il se transmet. Or, l'avantage, c'est qu'on peut étudier ce gène. Sauf dans un cas où ce gène et ces gènes sont transformés, c'est quand il y a un mélange génétique. C'est-à-dire que non, mais à mon cas, par exemple, moi j'ai un mélange génétique. Bon, voilà, donc ça veut dire que dans ces gènes-là, on fait le tri dans les gènes? Justement, mais regarde, on va reprendre. Imaginons que tu as deux populations, noire et blanche. Et ces gènes-là, tu vas pouvoir les étudier parce qu'elles ont une mutation constante dans le temps. Mmh. Dans le temps, elles mutent de façon constante. Mmh. Tous les 10 ans, il y a une mutation. D'accord. Oui. Donc les généticiens vont étudier combien il y a de mutations. En étudiant combien il y a de mutations, ils vont pouvoir établir combien de temps la population a été isolée. Donc, il y a eu isolement. Ça prouve qu'il y a isolement. Parce que s'ils n'étaient pas isolés, il n'y aurait pas la possibilité de suivre l'évolution de mutation de ces gènes, de ces microsatellites. Et c'est comme ça qu'on déduit de l'isolement des populations. Et c'est comme ça, comme j'explique dans ma réponse à Aurélien Antoven, qu'il y a une carte, et ils ont établi la carte de séparation physique, géographique, non pas en regardant la géographie, mais en regardant les gènes des hommes. Et ils se sont dit, tiens, cette population est vraiment bien isolée. On voit que les microsatellites ici, les mutations sont vraiment constantes et continues. Donc, il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu de métissage. Ils sont restés entre eux. Donc, il n'y a pas de bouleversement génétique pour ces gènes-là. Par contre, s'il y a un métissage, ces gènes disparaissent. Enfin, ils ne disparaissent pas, ils se recombinent forcément. Donc, il y a un bouleversement, on va dire, dans la structure génotypique, forcément. Tu comprends, c'est ça le principe en fait. Ouais. C'est qu'en étudiant ce genre de gènes, ils sont capables de suivre l'isolement géographique des hommes. En gros, moi, si je faisais une analyse génétique, il pourrait me dire tout de suite que vous êtes métisse. Oui, tout à fait. Il pourrait même dire quelle est ta part de blanc et de noir. Ah, carrément. Oui. Il pourrait voir les gènes de blanc et de noir. Et de noir, à l'intérieur. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et y a une carte comme ça que j'ai, où on étudie un métis et on voit, ils mettent en... Alors, attention, il y a les gènes des blancs, des noirs, et il y a les gènes communs de l'humanité. Enfin, il y a les gènes de l'ensemble, de l'ancêtre commun de tous les hommes. Et donc, c'est comme ça. Et donc, on établit, on voit tel gène est en fait un gène de blanc. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il n'y a jamais vraiment un métissage. C'est qu'en fait, c'est des superpositions génétiques. Tu as des gènes de noir, de blanc, côte à côte. Et certains gènes qui vont exprimer pour certaines choses, certains gènes vont exprimer autre chose, etc. Mais c'est la nature qui décide, ça, comment ? Tout à fait, c'est une loterie. Ah, c'est complètement vrai. C'est une loterie. Alors, on part du principe c'est 50-50, mais en fait, dans la réalité, c'est toujours compliqué. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est-à-dire qu'après, il y a des niveaux génétiques, je n'y connais pas. Je ne sais pas précisément, dans les questions de métis, comment ça se passe précisément, comment ils font. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas généticien. Je me suis vraiment spécialisé sur la paléanthropologie, et de manière, on va dire, totalement hasardeuse, j'ai découvert la question raciale par la paléanthropologie. Évidemment, j'ai vu l'étude de génétique de population, etc., qui venait confirmer ça, mais moi je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire les différents... Par exemple, il y a un sujet qui m'a interpellé, c'est que Jean-Jacques Hublin, il explique au Collège de France, en cours de Collège de France, il dit, bon, vous savez, il y a un problème, c'est qu'on n'est pas capable de définir notre espèce, scientifiquement. Moi je dis, mais comment ça ? Il dit, bon je ne parle pas avec lui, je parle avec lui, mais dans mon esprit, je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, il dit, il y a eu un paléanthropologue... Chris Stringer, qui a voulu définir l'espèce humaine, d'un point de vue scientifique, métrique, avec des critères très précis, un volume crânien de temps, une telle proportion et tout. Il y a une chose qui est commune à l'ensemble de notre espèce, c'est le menton. On a tous un menton. Que vous soyez de race noire, de race blanche, etc. On a tous un menton, c'est notre spécificité. Les Néandertals n'ont pas de menton, aucun genre homo n'a de menton. C'est notre espèce. Si vous trouvez un crâne, il y a un menton, c'est un humain. Ça, c'est la seule chose. Et donc Chris Stringer a comme objectif de définir de manière métrique, ce qu'on appelle l'allométrie, l'ensemble des propriétés physiques, des proportions, etc. Donc il fait son travail, etc. Voilà, il publie, je crois que c'est un livre qu'il publie. Et vous avez un auteur qui s'appelle Milford Wolpoff, qui est intéressant parce que c'est un multirégionaliste, bon, c'est un autre sujet. Mais c'est un paléanthropologue, il dit c'est super votre travail, il dit c'est super, bravo, beau boulot, mais il dit mais le problème c'est que vous avez oublié une grosse partie de l'humanité en fait. En fait, dans vos critères ne rentrent pas les aborigènes d'Australie, ne rentrent pas les Papous, ne rentrent pas les Bushmen, et en fait il dit vous avez deux choix, soit vous redéfinissez en disant effectivement il y a les Homo sapiens modernes. Alors, ce qu'on appelle les hommes anatomiquement modernes, c'est nous. Et il y a les autres, les papous et tout. Donc, il faut faire deux groupes. Non, mais c'est pas possible de faire ça. Ouais, parce qu'il veut définir les spécimens. Alors, il a dit, ou l'autre solution, Milford Wolpoff, qui est un petit malin, il dit, sinon, venez ce qu'on fait. On inclut tous les critères de variabilité humaine et on les inclut tous. C'est-à-dire qu'on prend les critères les plus extrêmes, c'est-à-dire la taille du crâne d'un papou, la taille du crâne d'un aborigène d'Australie et un norvégien, et on prend tout ça et on dit voilà, un être humain c'est de temps à temps. Il dit ok, Très bien, il a dit super. Mais d'un point de vue paléanthropologique, ça veut dire que vous rentrez dans, là-dedans des Erectus, des Heidelbergensis. En fait, vous rentrez toutes les espèces d'il y a 2 millions d'années. On n'est pas capable de définir notre espèce. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup trop différente. C'est pourquoi on n'est pas capable de concevoir le concept de l'espèce humaine. C'est parce qu'il y a des races. C'est implique, en fait, c'est logique. S'il n'y avait pas de race, s'il y avait une forte homogénéité, vous pourriez aisément définir des critères qui conviendraient à tous. Mais comme il y a une très grande différence génétique et phénotypique dans notre espèce, parce qu'il y a des races justement, vous ne pouvez pas définir l'espèce sans exclure nécessairement une partie de l'humanité. Donc ils sont restés à là, ils ont dit « Ok, on ne touche plus le problème, on arrête ». Et ils ne sont toujours pas définis. Et personne donc n'a défini encore l'espèce humaine. C'est quand même énorme. Parce qu'on ça, c'est dans les années 80. C'était dans les années 80. Voilà. Lieberman a repris un travail qui est spécialiste. Lieberman est un paléanthropologue qui s'est spécialisé sur la bipédie permanente et l'étude de la bipédie, qui a refait ce travail, qui a proposé une autre solution, une autre approche, à savoir la bipédie comme critère absolu, etc. Mais évidemment, ce n'est jamais satisfaisant parce qu'il est obligé d'exclure des critères, le volume crânien, d'autres choses. Donc en fait, c'est drôle, c'est un truc qui se mord la queue, c'est toujours un sujet qu'on met de côté. Mais ils ne peuvent pas le définir. Il y a pas. Bien sûr, ils vont dire des choses assez banales, mais bon, ils peuvent dire. Sinon, à une conférence, ils disent soit vous vous contentez de cette définition, un homo sapiens, c'est un singe bipède qui a un menton, et on s'arrête à là. Et c'est la seule chose qu'on peut dire sur nous, en termes paléanthropologiques génétiques. Ouais. Tu vois et d'un point de vue paléanthropologique, la seule chose qu'on peut dire, c'est un homme, c'est quoi ? C'est un mouton, ça marche, et ça a plutôt un gros cerveau par rapport à un chimpanzé. En gros, quand même, on peut dire, il y a quand même une espèce au sens, par exemple, que si tu prends un bushman, tu peux, il pourra avoir un enfant avec un chinois, même s'ils ont rien comme Mais en fait, il y a plusieurs façons de définir une espèce. Il y a la définition, ce que tu as dit, c'est-à-dire la possibilité de se reproduire, et d'avoir des petits qui ne soient pas stériles. Mais vous avez aussi une définition, ce qu'on appelle phénotypique de l'espèce, c'est-à-dire juste on voit les traits qui correspondent. Mais en réalité, si tu prends cet exemple-là, tu dis tu prends un bushman, tu prends une asiatique, ils peuvent avoir des enfants, ils ne seront pas stériles. D'accord, mais alors à ce moment-là, Néandertal, Denisovien sont de l'espèce Homo sapiens. Parce qu'on peut se mélanger. Parce qu'ils pouvaient se mélanger. Donc en fait, à chaque fois, tu vas dans un truc, ça foire. Tu définis comme ça, ça foire, tu finis comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le vrai arbre phylogénétique, c'est quoi ? Eh bien, vous aurez Homo sapiens noir, Homo sapiens blanc, Homo sapiens, etc. Et c'est comme ça que devrait être l'arbre génétique. Et là, vous pourriez être très précis. On pourrait dire, l'Homo sapiens blanc se définit avec telle proportion très précise, tel crâne, telle structure crânienne, tel prognathisme et tout. Mais si on voulait aller dans ce niveau de précision, on ne peut pas. Parce que notre espèce est beaucoup trop variée. Il y a une trop grande variabilité. Est-ce que c'est valable d'ailleurs ? Parce que, récemment, pour rester dans le sujet, il y a eu l'homme de Cheddar, Cheddarman, tu as dû entendre parler. Ah oui, on m'a envoyé. Alors qu'est-ce que je dois en penser ? Parce que c'est ça quoi ? Idéologique, c'est basé sur. Ça aurait été. Regardez son visage. Ouais. Ils ont juste fait un blanc qui l'ont bronzé au maximum, en gros. Ouais. Mais il a plus. Il a un visage de blanc. Oui. Si vous regardez sa structure osseuse, son visage, etc., il fait plus penser à un blanc qu'un Africain. Oui, c'est vrai. Mais on l'a volontairement noirci ou pas ? C'est quoi le. En fait, c'est simple. C'est qu'il faut voir. Parce que. Il y a un message politique derrière, quand même. Bon, sans compter ça, mais quand même. Je ne veux pas être affirmatif. Je sais qu'il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est que quand on a perdu notre pelage, quand les hommes ont eu une diminution de la pilosité, sous leur peau, ils étaient blancs. Mais donc, il y a eu une adaptation à la luminosité du soleil. Ceux qui étaient au soleil sont restés. Non, mais l'Homo sapiens initial a eu la peau sombre. D'accord. Et ça ne signifie. Donc, il est possible que cet homme ait pu être noir. Mais ça ne signifie pas qu'il était de la race noire. C'est eux qui, en fait, pour le coup, sont des sophistes. Parce qu'ils reprochent aux autres de vouloir définir les races par les couleurs. Mais quand ils pensent trouver un blanc qui était de race noire, ils le mettent en avant. Vous voyez, c'est plus compliqué, etc. Mais on est d'accord, c'est pas la couleur qui définit la race. D'accord. Et qu'il ait pu être blanc, ça reste, qu'il ait pu être noir, ça reste il reste un peuple ancestral qui a donné les blancs, qui a donné autre chose. Donc c'est tout à fait possible, ça ne remet pas en cause, parce que il n'y a pas qu'un seul critère, il n'y a pas un seul et unique critère qui définit une race, évidemment. C'est tout un ensemble. C'est des proportions du corps, c'est la structure osseuse, c'est plein de choses. Des propriétés physiologiques qui sont mesurées, etc. Et c'est tout ça, c'est un ensemble, c'est pas juste ce phénomène. Alors ça peut être idéologique, c'est sûr, mais ils se sont pas amusés à lui donner des caractéristiques d'homme noir. Ils n'ont pas donné un nez particulier, un crâne. Non, c'est vrai qu'il a ressemble une tête pas. De blanc, mais avec une peau très bronzée, très noire. Un blanc qui a été bronzé. Limite, ouais. Donc en fait, c'est vrai qu'ils ne sont pas menteurs particulièrement. Vous voyez, ouais. Ils n'osent pas mentir non plus à ce point-là. Ils ne mentent pas non plus. Ils ne font pas passer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les Noirs d'aujourd'hui, ce n'était pas, ça, c'était pas les Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique. C'est-à-dire que les Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique, ce qu'on appelle le groupe L3, et il y avait déjà des groupes ethniques qui étaient différents. On a déjà 6 groupes déterminés par les haplogroupes en Afrique même. Il y avait déjà des groupes qui étaient là. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la théorie qui est dominée, qui est la théorie dite la sortie d'Afrique, présupposait que l'espèce humaine était une espèce très récente, 100 000 ans, 120 000 ans. On a découvert qu'elle date de plus de 315 000 ans. En 315 000 ans, il a déjà eu une spéciation qui s'est faite, parce que l'Afrique est gigantesque. Vous avez des populations au nord, vous avez des populations au sud, etc. Il n'y a qu'une partie des sapiens qui ont quitté l'Afrique, mais une grande partie est restée en Afrique. Donc les Noirs d'aujourd'hui, les hommes de race noire d'aujourd'hui, ne sont pas ceux qui sont sortis d'Afrique et qui ont donné des blancs. D'accord, okay, ça, okay. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ceux qui ressemblent le plus aux Homo sapiens, on va dire, originels, c'est les Bushmen un peu. Les hommes le désert du Canari, les chasseurs du Bushman, c'était plutôt à ça que pouvait ressembler un sapiens. Mais un noir d'Afrique du Congo, etc., il s'est spécialisé, il a évolué, si vous voulez. Ouais. Et surtout qu'il y a eu un métissage, enfin, il y a eu une introgression, une hybridation avec une population du genre homo qu'on ne connaît pas encore. Donc, mais effectivement, ils essaient de faire de la propagande, mais sans vraiment le faire en plus, parce que ça convainc personne. C'est-à-dire qu'on voit un blanc avec finalement une peau noire, des yeux bleus. Ouais, mais parce qu'il y a un peu quand même un effet de dire les Européens sont noirs à la base, en fait. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai compris présenté. Oui, mais c'est possible, mais ça ne change rien au fait que... ça change quoi? Très bien, les Européens, les Homo sapiens quittent l'Afrique, d'accord? On dit que c'est le groupe L3, bon, peu importe, il y a 50 000 ans, à peu près 50, 60 000 ans, ils quittent l'Afrique. Ils se croisent avec des Néandertals et ils obtiennent des gènes de Néandertal et qui fait qu'ils deviennent blancs. Donc en fait, les blancs d'aujourd'hui, ou si vous voulez, la race blanche aujourd'hui, est le résultat de ce métissage. Donc si vous voulez qu'initialement, qu'on ait réussi à trouver les premiers sapiens et qu'ils aient pu être noirs, peu importe, les Européens d'aujourd'hui ne sont pas, sont le produit de ce métissage. Toutes les races humaines sont à la fois le produit de l'isolement géographique et de l'introgression génétique. Donc de toute façon, ça ne vient absolument pas en remède. On descend. Je veux dire que quelqu'un qui me dit ça, quelqu'un qui me dit mais on descend tous d'une population africaine. Et alors, l'espèce humaine, elle descend d'un grand singe et les grands singes descendent d'autres choses. Et après, on remonte comme ça jusqu'au Big Bang. Donc ce genre d'argument bidon, on n'a pas de sens. Peu importe. Il y a une différenciation qui a été nette, à la fois géographique et à la fois génétique par ce métissage entre un Néandertal et des sapiens. Mais est-ce que alors ça voudrait dire que là, par exemple, on pourrait parler, par exemple, concernant l'expérience américaine, où il y a eu un mélange de races. Oui, tout à fait. Voilà, il y a plus un mélange chez les Noirs que chez les Blancs. Ah, plus chez les Noirs, chez les Blancs, tu dirais. Mais pourtant, beaucoup de métissage entre les Noirs, les Blancs, et puis même un peu des Indiens sur place. Oui, mais je veux dire que la population noire ne représente que 13% de la population. Ouais. Et il y a eu plus de métissage chez les Noirs. Les blancs restent blancs, on va dire, mais les noirs, il y a eu beaucoup de métissage. Oui, d'accord, oui. Après, je ne sais pas précisément, je ne connais pas l'histoire des États-Unis pour être affirmatif sur le processus historique. Toutefois, c'est pour ça que... Ouais, en plus, je pensais plus à l'Amérique latine, pour le coup. Ah, ok. À l'Amérique latine, encore, je ne connais pas. Non, d'accord, parce qu'il y a eu un grand brassage, en fait. Tout à fait, mais je n'y connais pas assez pour l'Amérique latine. Je ne sais pas précisément quelles sont les proportions, etc. Parce que les auteurs... l'école, on va dire, raciologue vient des États-Unis parce qu'ils ont étudié eux-mêmes le cas des Noirs américains. En Amérique latine, je ne sais pas, je ne connais pas. D'accord, parce qu'il y a eu tellement de métissage que je me dis, en Amérique latine, est-ce que, je veux dire, par exemple, les races se sont tellement mélangées que finalement, est-ce qu'elles n'ont pas créé une autre race, en fait, à force? C'est tout le danger du métissage est là. C'est que, bien sûr, ça peut créer quelque chose. Ça peut créer quelque chose de totalement nouveau, mais où, en fait, les Blancs disparaissent. Donc, effectivement, c'est le problème, en fait, de l'immigration, c'est un génocide génétique, c'est un génocide que les Européens vont vivre. Or, le foyer européen, c'est le foyer blanc. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune autre race dans le monde, mis à part les Blancs, qui sont menacés de disparaître. Donc effectivement, l'Amérique latine est un exemple, quand tu dis, de métissage généralisé, mais qui est une catastrophe du point de vue de la réalité Ah oui, et l'avenir des Blancs. socioculturel, par contre, Et oui, de la c'est violence autre au chose. Oui, la Brésil, violence, je veux dire, etc. les kidnappings. Il y a maintenant des assurances pour, si jamais vous êtes kidnappé, pour qu'une société vous aide à retrouver votre membre, un membre de votre famille. Après, certes, il y a la violence au Venezuela. C'est des pays extrêmement violents, C'est des pays quoi qu'il extrêmement arrive. Hein. violents, etc. Alors, on peut dire que le problème, en fait, avec notre espèce, c'est que nous sommes des animaux conscients et intelligents. Et donc, il est des fois difficile de démêler les causes et les effets. Donc, est-ce que la cause est culturelle? Est-ce que la cause est biologique, etc.? Il y a des fois, on ne peut pas forcément démêler les choses. Les causalités génétiques ou culturelles sont des fois indémêlables, sont mélangées. Donc, on ne peut faire que des suppositions. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup. C'est pour ça que je suis sorti des sciences humaines et que j'ai abandonné totalement les lectures dites de sciences humaines. Parce qu'en fait, ce genre de questions, par exemple, de la société d'Amérique latine, c'est toujours un nid à débat. C'est toujours des spéculations, des débats. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est pas ça? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des spécificités culturelles et tout? Donc il y a beaucoup trop de facteurs qui ne sont. Il y a trop de variables dans les questionnements. Alors que la question paléanthropologique, elle est simple. Elle est factuelle, c'est des études, des comparaisons, et c'est indiscutable. C'est-à-dire que quand on détermine le taux de testostérone en fonction des races, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'interprétation, c'est un fait médical indiscutable. Alors que les discussions de société, c'est toujours un mélange. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas, pour l'instant, je ne m'intéresse pas vraiment à ça, mais juste d'un point de vue, pour moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que où il y a un métissage, où il y a plutôt dans une même zone géographique des populations de races différentes, il y a de la Il y a violence. la violence. Ou alors, alors ça c'est Et très... pourquoi en France il n'y a pas Ouais. cette violence? C'est parce que l'État social français est extrêmement riche. C'est parce que l'État français donne beaucoup d'argent. Donc en fait, il y a très peu de pauvreté en France. Il est vrai que par exemple au Venezuela ou aux États-Unis, les aides sociales sont. Enfin, au Venezuela, c'est quasiment la guerre. Les gens se font kidnapper, des gens pour 500 euros se font kidnapper. Aux États-Unis, il y a un niveau de violence parce qu'il n'y a pas de enfin, il y a des RSA, il y a des aides sociales, mais c'est quand même Au relativement faible. compte-goutte, oui, Au donc. compte-gouttes, c'est rationnel, c'est fait de cette façon. Alors qu'en France, je pense que normalement, compte tenu de l'immigration et de la réalité raciale, le niveau de violence devrait être beaucoup plus élevé. Mais l'État français gère très bien le problème. Il fait de la bonne gestion libérale. Il ne résout pas le problème, mais il gère très bien à coup d'argent public, bien sûr, hein. C'est par exemple, il y a une arnaque qui est connue, c'est que les mairies dans les banlieues, quand c'est l'été, pour éviter que les gamins, comme il n'y a plus l'école, restent à traîner, et que c'est là où il y a des criminalités, des comportements criminogènes, etc., et ben, ils financent des vacances Oui, c'est vrai. avec les associations et ils les envoient ailleurs. Et ils disent, bon débarras, un autre va le gérer. Il suffit de suivre le quart des CRS qui les rejoint là-bas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'État français est très bon pour faire de la gestion libérale. On a d'excellents fonctionnaires qui arrivent à calmer les choses. Mais pas pour longtemps. C'est-à-dire, ça ne peut pas. Avec l'augmentation du nombre de non-blancs, etc., amènera nécessairement des niveaux de violence de plus en plus élevés. Parce que je voulais évoquer, tu sais, une partie du monde, d'ailleurs qu'on n'évoque pas souvent, c'est l'Océanie, où il y a une véritable séparation ethnique entre les populations dites polynésiennes, qui sont plutôt vers l'ouest de la Polynésie, et les populations mélanésiennes, qui sont D'accord. vers... Et là, clairement, tu as une véritable ligne qui passe par les îles Salomon, les îles Marshall, etc., etc. Évidemment, l'Australie-Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande étant peuplée de Polynésiens et l'Australie de Oui. Mélanésiens, plus ou moins, parce que L'Australie, c'est pas les C'est aborigènes des d'Australie? aborigènes, mais ils sont plus proches des Papous D'accord, que les oui. Polynésiens. Et là, on voit qu'il y a eu carrément... ils se sont partagés le Pacifique. C'est extraordinaire, parce qu'il y a vraiment tout d'un côté où on voit les Mélanésiens qui ont occupé, l'autre côté occupé par les Oui. Polynésiens. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas... Alors, je Ah, crois tu veux que... dire que finalement, quand on Il n'y a pas eu regarde les mélange, sociétés quoi. humaines, on voit bien qu'il n'y a pas de naturellement une coexistence. C'est Voilà, toujours quelque chose exactement. d'artificiel. Bah, c'est-à-dire que... les gens se séparent, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, on voit bien que s'ils voulaient se métisser, l'île, elle est juste à Oui, côté, bien et sûr, bien ils se sûr. métissent Non, pas, mais bien quoi. sûr, c'est évident, mais je veux dire, mais ça, c'est. Enfin, je veux dire, il suffit d'étudier l'histoire humaine. Et, bah, par exemple, dans la Bible. À aucun moment dans la Bible, il y a un appel au métissage. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire des patriarches, Jacob, Joseph, etc., Jacob qui se marie avec ses cousines pour avoir. Ah oui, C'est-à-dire que c'est très il y a incestueux sur certains non, passages. mais c'est pas uniquement cette question, c'est que fondamentalement, on se marie dans son clan, dans sa tribu, dans son clan. Et c'est même pas... Pour le coup, c'est quelque chose de spécifique au système patriarcal et à toutes les races. Il faut rappeler, par exemple, que l'Église catholique a dû lutter contre les mariages tribaux en Europe. Il faut rappeler que, par exemple, la citoyenneté grecque à l'Antiquité a été possible par les tyrans Clisthène, mais parce qu'il a réformé les dèmes. Les dèmes, c'était des organisations, c'était des tribus, en fait. C'est-à-dire, quand il y avait l'aristocratie, il y avait un roi en Grèce, en Athènes, etc., il y avait des rois. C'était des alliances tribales qui constituaient le pouvoir. Et les tyrans ont cassé ce tribalisme, comment ? En organisant un métissage de ces tribus, en forçant... Historiquement, même dans le monde, c'est pas quand même les Européens qu'on pourrait dire être les initiateurs du métissage ? Parce que, comme ils ont voyagé, qu'ils ont rencontré toutes les populations, ils se sont métissés un peu partout sur la planète. Là, ce que je voulais... Enfin, mon propos était de dire que quand les populations sont à des niveaux de développement, elles sont tribales. Elles sont toujours tribales. Et je voulais simplement dire que c'était transracial pour le coup. Là, c'est vraiment une spécificité de notre espèce. Et donc, je prenais l'exemple en Grèce, dans le monde arabe, enfin, dans le monde sémite ou dans le monde blanc. C'était simplement ça mon idée, c'était de montrer que l'impulsion. Chez les Africains, c'est très tribal. Où, bien sûr. On se marie pas avec la meuf d'en face de la rivière. Donc, ce que je veux dire, c'est fait historique, c'est un argument en fait contre la thèse du métissage généralisé. Est-il possible que des populations se métissent alors qu'ils sont particulièrement tribales, qu'ils sont dans une logique qu'on constate nous-mêmes, c'est-à-dire que quand vous lisez ou vous voyez l'histoire, vous voyez qu'on se, il n'y a pas ça. Il fallait un pouvoir politique fort qui impose ce métissage. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si l'État français n'imposait pas ça, il n'y aurait absolument pas la venue. C'est-à-dire que il y a eu il y a une spécificité, c'est qu'il y a eu un développement du système capitaliste qui a fait que, mais je veux dire que, et encore, qui n'est pas vrai, parce que le Japon reste un bloc racial, mais si vous voulez, l'élan des peuples, c'est le tribalisme. C'est, l'élan des peuples, c'est de se marier ou d'être avec quelqu'un de sa race et de sa tribu qui se ressemble. Et d'ailleurs, je renvoie à une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Dirty Biology. Et il s'est posé la question, en fait, c'est très intéressant, du mariage, de la consanguinité. Il prend l'exemple des Islandais, qui sont dans une île. Et ils ont une application spécifique, c'est quand ils rencontrent une fille, quand ils se rencontrent, ils ont cette application, ils mettent leur nom pour être sûr qu'ils ne soient pas trop proches en termes de consanguinité. D'accord. Donc, ils regardent. Et en fait, des chercheurs, des généticiens sont partis de ça pour voir quel est l'optimum. C'est-à-dire, évidemment... l'inceste, c'est avec votre sœur, bien sûr, mais après votre cousine. Mais en fait, ils ont établi que la cousine du deuxième degré, c'était l'optimum idéal pour avoir des enfants. Et qu'au-delà, c'était aussi moins bon. Ça veut dire que le métissage de deux races très différentes peut être potentiellement aussi moins bon que l'inceste, d'un point de vue génétique. Alors lui, il ne va pas jusqu'à là, lui, dans sa vidéo. Attention, c'est une vidéo populaire et tout, il ne va pas raconter ça. Mais regardez cette vidéo, regardez. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette étude génétique, c'est bien d'avoir une proximité génétique. Parce que quand vous avez les chromosomes qui vont se combiner, les gamètes sexuels de la mère et du père qui se combinent, et donc il y a ces deux paires de chromosomes qui vont s'unir pour faire l'enfant, et ben, en fait, il faut évidemment éviter la consanguinité pour tout un problème de tare, mais en même temps, il ne faut pas être trop différent pour que cette combinaison se fasse idéalement. Et en réalité, finalement, ces mariages entre cousins, qui nous paraissent étonnants, bah, finalement, était un optimum et qui va dans ce sens-là. D'accord. Oh, bah, c'est intéressant, ça. Mais ce n'est pas le cousin au premier degré, c'est le deuxième, attention. Mais par exemple, dans les familles, Emmanuel Todd explique que dans les familles sémites, se caractérisent par l'alliance des frères. C'est-à-dire que les frères font en sorte que leurs cousins se marient entre eux, enfants se marient entre eux. Donc, ce sont des structures innées. Enfin, je veux dire, comment est-il possible que culturellement, d'un point de vue de civilisation, on ait produit tant de sociétés tribalistes, tant de valeurs tribales, finalement claniques, et tout en étant particulièrement métissés, tous métissés. Parce que pour être tous métissés, ça voudrait dire que moi, j'aille me marier avec une femme qui n'a rien à voir avec moi, qu'il n'y ait plus d'ethnie. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'ethnie en Afrique. Ça voudrait dire qu'il y a... Voilà, surtout, rien qu'on observe la mosaïque des ethnies en Afrique, tout ça ne tient pas, parce qu'au sein d'une ethnie... Et ça ne tient pas dans la culture, ça ne tient pas dans les mythologies, dans la littérature, dans les mythologies, dans l'histoire, etc. Parce qu'au niveau des ethnies africaines, souvent, non seulement elles ont une unité culturelle, la même langue, etc., dans la même ethnie, mais ils ont vraiment une unité génétique, biologique, physique qui se voit. Je veux dire, il y a des caractéristiques ethniques qui sont identifiables. Tout à fait. Moi, je le vois, c'est certaines ethnies où c'est très, très marqué, ils se ressemblent, les uns et les autres se ressemblent complètement. C'est même des attitudes, c'est des façons d'être, il y a tout un ensemble. Oui. Vous pouvez faire la différence entre certaines ethnies en Afrique, c'est sûr. Oui. Après, ils sont meilleurs. Bien sûr, mais il y en a qui sont vraiment. Mais, tout ça, je me répète peut-être un peu, mais c'est simplement que nous avons des preuves à la fois génétiques, mais aussi même culturelles, que ce métissage général n'a pas eu lieu. Mais il y a un continuum, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des échanges, etc., plus ou moins. Parce qu'on n'est tout de même pas non plus des espèces différentes. Il y a un noir peut avoir des enfants avec une femme asiatique, un homme asiatique peut avoir un enfant avec une femme blanche, etc. Sauf que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de métissage qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. Tout à fait, c'est que là, on a une période Et on pourrait même se poser la question si. Là, c'est mes limites, je ne connais rien en médecine et je ne sais pas ce qui se passe en termes de médecine, etc. Mais est-ce que les enfants de métissage de races très éloignées géographiquement. Est-ce qu'il y a une plus grande mortalité des enfants? Est-ce qu'il y a une plus grande mortalité à la naissance? Est-ce qu'il y a des maladies spécifiques, etc.? Ça je ne sais pas. Ça a été étudié, vraiment. Ça a peut-être été étudié aux États-Unis. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Mais je pense que ça doit plus être dans ce sens-là. Mais évidemment, on ne va pas communiquer sur ça. Parce que finalement, ça voudrait dire ça impliquerait des choses. Mais c'est possible. D'accord. Alors, je vais prendre quelques questions, parce qu'après, ils sont fâchés quand je ne vais pas prendre les questions. Alors, on me dit... Bonsoir, Tepa. Bonsoir, Monsieur Hassan. Bonsoir. Alors, il y a environ 10 ans, une équipe de scientifiques ont procédé à une analyse controversée de l'ADN de 39 membres de la famille d'Adolf Hitler. Ces échantillons ont révélé un chromosome appelé haplogroupe E1B1B. J'ai vu cette blague. Qui est présent chez les Berbères du Maghreb, ainsi que chez les Ashkénazes et les Séfarades. C'est une blague ou pas, ce truc? Non. Moi, à un moment donné, il faut du bon sens. Si Adolf Hitler, en fait, il a le même haplogroupe que moi, ou que même moi, je suis plus pur que lui, enfin, bon, il faut arrêter le délire. Je veux dire c'est là où... Déjà, en fait, sûrement vous l'avez lu sur Wikipédia, et Wikipédia renvoie à l'article. Et l'article, c'est pas un article scientifique, c'est pas une étude. C'est un article qui renvoie à quelque chose qu'on trouve pas. Donc, je ne sais pas où ils l'ont fait. Si vous avez l'étude en question... moi, je veux bien. Mais le problème, en fait, c'est que c'est évidemment des informations fallacieuses parce que vous pouvez toujours trouver dans des populations, dans une population, par exemple, vous prenez un blanc au hasard, vous allez toujours avoir des éléments de haplogroupe d'une autre race. Mais ce qui est logique, encore une fois, c'est-à-dire que la question... Ben, si vous voulez, vous pouvez prendre des populations au sud de l'Italie et vous allez avoir un peu plus... vous allez avoir... peut-être 5-10% de groupes maghrébins. Mais parce que dans l'histoire de l'Italie... Il y a pas mal de maghrébins qui sont venus. Tout à fait. Mais c'est logique. Il y a eu un léger métissage. Mais dire de là, c'est des maghrébins, c'est absurde. Qu'il y a des restes génétiques d'une race différente signifie simplement qu'il y a eu une époque peut-être du métissage. Mais donc la question, en fait... C'est, j'aimerais voir l'étude précisément que je n'ai pas trouvée. Moi, si je veux voir une étude publiée, validée par une revue à comité de lecture comme Science Nature, avec la méthode, qu'est-ce qu'ils ont pris, comment ça a été fait, et là, on pourrait discuter. Mais sinon, pour moi, c'est de la blague. D'accord. C'est pas très sérieux. On me demande, il y a combien de types de races? Alors, moi, j'ai vu qu'il y en avait 5. Toi, je sais pas si tu me dis qu'il y en a combien. Entre 5 et 7. 5 et 7. Mais donc, ça dépend de toute façon, compte tenu de l'évolution de la technologie et de nos connaissances, on pourra être plus précis. Mais encore une fois, je suis d'accord entre 5 et 7. Et surtout, il faut suivre, en fait, les séparations géographiques, tout simplement. Ouais. Donc, ça correspond, grosso modo, aux divisions géographiques que nous connaissons. Donc, en gros, les caucasoïdes d'Europe... Alors, les caucasoïdes, encore une fois, c'est un terme de crânométrie, Vous avez bien conscience que caucasoïde, c'était pour caractériser les crânes caucasoïdes. Mais ce n'est pas une race. C'est ça qui est compliqué. C'est que vous n'avez pas de scientifique qui avance là-dessus, qui nomme. Donc, il faut bien comprendre. Mais si vous voulez, en fait, vous avez certains scientifiques qui disent caucasoïdes et caucasoïdes non-européens. Donc, les caucasoïdes non-européens, ce sont les Maghrébins, les Arabes. Et voilà. Les Indiens aussi, non? Ça peut être les Indiens, il faudrait jouer, mais c'est comme ça qu'ils définissent. La carte de Carlton Kuhn sur les caucasoïdes comprend la race blanche, des Asiatiques et des Sémites, en fait. D'accord. Donc, il faut bien comprendre, c'est que le progrès technique, faut pas, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient du travail sur ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les os, ils avaient des crânes, ils faisaient des mesures là-dessus. Donc, si vous voulez, à partir de la crânométrie, au début, on a établi deux, trois grandes catégories de races humaines, les négroïdes, les caucasoïdes et les asiatiques. Vous voyez, ça fait, vous comprenez, regardez, ça fait la race, vous avez les négroïdes, les caucasoïdes et les asiatiques. Mais ça, c'est parce que l'instrument n'était pas suffisamment précis. Et ensuite, on passe à des technologies qui ont permis de raffiner. On s'est dit, tiens, on va pouvoir utiliser ça pour différencier. Ah, on a réussi à déterminer les San, les Bushmen, des Bantous. Là, ici, on a pu différencier les Blancs des Maghrébins, etc. Donc, ça ne veut pas dire que cet outil, que la crânométrie ne dit pas des choses vraies. Ça veut juste dire qu'on a aussi des outils un peu plus précis. C'est comme si j'ai un instrument de mesure qui me dit que la température est chaude ou froide et que je passe ensuite à un instrument de température qui me dit que la température, c'est 22, 23 degrés. Quand il fait 23 degrés et que l'autre instrument me dit c'est chaud, elle n'a pas tort. Mais c'est juste qu'il y a des instruments plus précis. Donc le problème, il est là, c'est qu'on peut, bien sûr, on peut dire caucasoïde pour la race blanche, mais si vous dites caucasoïde, il faut être précis. Il faut dire caucasoïde européen, caucasoïde non européen. Parce qu'effectivement, j'ai eu la tristesse d'apprendre à des gens qui me disaient, mais moi, je suis un caucasoïde. Et un type, il me dit, mon père, c'est un maghrébin, il dit, je suis un caucasoïde, donc je suis blanc. Ben, je lui dis, non, malheureusement, tu n'es pas un blanc, tu es un maghrébin. Et tu es certes un caucasoïde, mais je t'apprends la mauvaise nouvelle, tu n'es pas un blanc. Enfin, mais c'est pas grave, tu peux vivre ta vie. Non, mais j'ai l'impression qu'il tenait. C'est compliqué. Il m'envoyait des mails, il me demandait, mais t'es sûr et tout, je suis caucasoïde et tout, selon je sais plus quoi. Mais je dis, mais oui, ton crâne, si je prends ton crâne, tu as un crâne de caucasoïde, mais tu es un maghrébin. Mais c'est pas grave, tu peux faire ta. Mais pourquoi? Parce qu'il y aurait des gènes différents. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'il y a un isolement géographique. Oui. Et il y a donc une spéciation. Bah, isolement. Ah si, la Méditerranée, il y a un isolement géographique. Ah ouais, à ce point-là, parce que les échanges des Romains, les Grecs, les Machins, les Phéniciens. Les Phéniciens, il y a du marchandage, il y a eu Carthage, mais c'est pour ça qu'au Portugal, vous allez retrouver des haplogroupes africains, au Portugal, au sud du Portugal, etc. Oui, à la lisière de certaines régions, vous allez avoir des restes de groupes génétiques, ne définit pas, mais ça n'empêche pas que les Portugais sont majoritairement des Blancs. Mais non, la Méditerranée a toujours été... Ah, ça a toujours été... On peut considérer déjà, rappelez-vous, la densité de population. Là, on est 7 milliards, ça nous paraît, c'est juste extraordinaire, mais à des moments, l'espèce humaine, c'était 200 millions de personnes, 100 millions. Donc, vous comprenez que le Maghreb, il faut vous rendre compte que, par exemple, juste le nord du Maghreb, c'est juste les États-Unis. Vous pouvez mettre les États-Unis en Afrique, vous pouvez mettre l'Europe. Enfin, je veux dire, l'Afrique est un monde en soi, en termes géographiques, en termes de distance. Oui. C'est juste immense. Alors, imaginez cette densité. Imaginez cette proportion gigantesque en termes de territoire avec une densité de population relativement faible, et vous pensez que déjà les populations n'étaient pas forcément nombreuses, elles vont en plus aller prendre la mer et se métisser. Et même s'il y a eu des aventures de métissage, c'est relativement faible. C'est très faible en termes de moyens. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir des déplacements de population comme nous connaissons actuellement, c'est parce que nous avons l'avion, nous avons la voiture, nous avons des technologies. Nous sommes dans une ère industrielle qui le permet. Mais dans une société non industrielle, se déplacer était très dangereux, très cher. On ne prenait pas le bateau comme ça, on va aller en Europe, voir ce qui se passe. On était bien chez soi, L'autre côté, on ne sait pas ce qui nous attend, sûrement la mort. Donc pourquoi prendre le bateau, pour aller où, pour faire quoi? Il y a bien sûr qu'il y a eu des échanges. Bien sûr que Rome, à son apogée, quand elle avait 1 million d'habitants, vous aviez des Noirs, des Phéniciens, des Indiens, des commerçants et tout. Mais il n'y a pas eu un métissage généralisé. La population est restée... Et puis on ne se métisse pas comme ça. C'est-à-dire qu'on choisit avec qui on se met. On n'est quand même pas des animaux. On est des sociétés où on organise des mariages, on fait des alliances. Un mariage est une alliance, c'est le père qui décide, etc. Et pas comme ça, le premier venu qui veut se marier avec n'importe qui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les sociétés ont des règles, les cultures ont des règles, quelles qu'elles soient. Et donc, on ne se marie pas comme ça. Vous allez en Afrique, vous n'allez pas vous marier avec la première venue parce que vous avez décidé que ça se passerait comme ça. Dans une société non industrielle, vous êtes un étranger, et la plupart des humains ne se marient pas comme ça. Donc, et pour les Européens, même s'il y a eu des échanges civilisationnels, ça c'est sûr, ce n'est pas pour autant qu'il y ait eu un métissage. Un métissage, ouais, on ne peut pas parler de métissage généralisé, ce n'est pas possible. Et voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver dans des populations des spécificités, mais parce qu'évidemment, vous êtes à la frontière, à la lisière de En plus, ce qu'on peut imaginer, alors là, je spécule totalement, mais à la vue de certaines observations, comme par exemple les Bantous qui arrivent en Afrique du Sud, ils massacrent justement les Bushmen, parce qu'ils sont différents. Tout à fait, il y a des problèmes, évidemment. Ouais, ouais. Ils ne se considèrent absolument pas comme de race noire. Exactement. Les Bushmen non plus. Ils sont menacés physiquement, enfin, ils peuvent disparaître. Ouais, ouais. Les Pygmées aussi vivent ça. Les Pygmées, c'est pareil, ils sont absolument détestés par les autres Africains, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la même ethnie. Tout à fait. Les Africains qui nous regardent, l'honnêteté de l'admettre. Alors, il faut être. C'est plus complexe avec les Pygmées, parce qu'on sait qu'il y a des échanges, des mariages. Alors, c'est des hommes de race Bantou qui se prennent des femmes Pygmées, qui se marient, mais ils n'arrivent pas à vivre ensemble. C'est-à-dire que. Là, je ne suis même pas en train de vous chercher un Japonais avec un Africain. Je vous dis que. Un homme de race Bantou et une femme de race pygmée n'arrivent pas à former une union qui dure dans le temps. Pourquoi ? Pourquoi on a détecté ça comme ça ? Parce qu'on a détecté, les généticiens de population ont détecté qu'il y a un métissage qui va dans un sens et pas dans l'autre. Ils ne comprenaient pas. Et pourquoi dans les pygmées, il y a beaucoup de métis Bantou ? Beaucoup d'enfants métis Bantou. Alors ils sont allés faire une enquête et ils se sont rendus compte de quoi ? Les hommes de race noire, enfin de Bantou, prennent des femmes pygmées. Alors, j'ai lu qu'elles avaient une réputation d'être plus fertiles, de faire plus d'enfants, ou je ne sais quoi. Donc, il y a des mariages qui se font comme ça. Donc, ça existe. Il n'y a pas non plus la guerre absolue, etc. Mais ces couples ne durent pas. Donc, et la femme, en fait, pygmée, quitte le foyer et reprend ses enfants et retourne vivre avec la communauté pygmée d'où elle vient. Et elle emmène ses enfants. Et c'est comme ça qu'on a expliqué comment se fait-il que chez les Pygmées, vous aviez du métissage avec des Bantous, mais du côté Bantou, vous n'avez aucun métissage Pygmée. Pourquoi ça voudrait ? Parce qu'en fait, il n'existe pas de femme Bantou qui parte avec un homme Pygmée. Ça n'existe pas. Ça va que dans un sens. D'accord. Et d'ailleurs, pour le Néandertal, on pense que c'est plutôt. On suppose qu'une des explications, c'est qu'il n'y a eu que des femmes néandertaliennes qui ont été prises par des hommes sapiens. Et une des possibilités. Et qu'inverse, il n'y a pas eu. C'est une hypothèse, attention. C'est une hypothèse, d'accord. C'est une hypothèse qui est mise. En tout cas, quand on étudie cela, il est intéressant de voir que des populations qui sont pourtant très proches échouent finalement à se métisser. Parce qu'une fois que c'est fini, elles repartent et ses enfants sont en fait même mis à la marge. Donc, c'est un fait qui est étudié. Mais après, il y a des exemples comme ça, vous en avez plein de frontières linguistiques nettes, alors que c'est des populations qui sont proches, etc. Il y a plein de situations de combinaisons complexes. Mais effectivement, il y a une distinction très nette entre ces populations. Un Bantou, un San, ne va pas se dire « je suis de la même race que lui ». Non, c'est complètement différemment, c'est clair. C'est pour ça que l'Afrique est déjà un monde en soi, même racialement. C'est déjà un monde, alors... Vous voyez, donc L'Afrique est composée de plein d'ethnies. Les ethnies, races, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors justement, précision, quelle est la différence ? Alors, mais là, c'est là où on rentre dans la question de la culture. C'est-à-dire qu'une ethnie, qu'est-ce que c'est ? C'est la race plus la culture. Par exemple, vous pouvez considérer, à un moment donné, il y avait des ethnies en Europe, parce que c'était fonction de la culture et des langues qui sont apparues. On est bien d'accord qu'il y a plus de 5 langues au monde. Oui. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de langues. L'humanité a produit des centaines de cultures, des milliers de cultures. Il y a des cultures partout. Pourtant, vous n'avez que quelques races. Donc vous avez une race, et dans une race, vous avez des peuples. Et dans des peuples, vous avez ensuite des différences ethniques qui peuvent apparaître. Et c'est là où c'est compliqué. Est-ce que c'est purement génétique ? Est-ce que c'est un isolement aussi géographique ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que la langue reflète quelque chose ou pas ? Donc ça, c'est un autre sujet. Mais le mot ethnique est utilisé, est un concept pour moi « bâtard » entre guillemets, parce qu'il mélange des considérations à la fois génétiques et culturelles. C'est pour ça que ce n'est pas précis, c'est plutôt confus. Moi, je dis simplement qu'il y a un groupe, il y a une race. Dans cette race, il y a des peuples qui produisent des cultures. en fonction de ce qu'ils sont. C'est pas parce que vous êtes de la même race que vous avez la même culture, la même langue. Il y a des différences énormes. Il y a des différences, etc. Donc, voilà, c'est... Parce que même chez les, par exemple, chez les Asiatiques, on peut considérer que les Asiatiques du Sud et du Nord font partie du même, de la même race. Il y a les Asiatiques du Nord-Est, Coréens, Chinois, Japonais, voilà. Qui forment un ensemble. Et vous avez les Asiatiques du Sud-Est. Du Sud-Est, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout physiquement. Et qui sont issus de deux histoires génétiques différentes. D'accord. Donc les Denisoviens, d'abord on n'a trouvé que des Denisoviens au Sud déjà. C'est que la population du Sud-Est qui s'est métissée avec Denisova. Ce n'est pas les Chinois, pas les Japonais, etc. On ne trouve pas de Denisova chez eux. C'est peut-être un point de détail, mais enfin, je ne sais pas, c'est peut-être trop technique pour rien. Mais En fait, il y a une hypothèse qui est donnée par une école, ce qu'on appelle l'hypothèse de la continuité des fossiles. En fait, les paléanthropologues chinois défendent une hypothèse, c'est que l'Erectus local d'il y a 100 000 ans a évolué pour donner l'Homo sapiens chinois. Ils font une mesure très précise. Et ils considèrent que quand on étudie tous les crânes étape par étape, on voit qu'il y a une continuité crânienne, entre les Erectus et les Chinois actuels. Les Chinois actuels ont des spécificités morphologiques propres dont ils pensent qu'ils viennent d'une population archaïque d'Erectus. C'est une des hypothèses qu'ils émettent. Alors eux, ils sont à fond là-dedans. Enfin, ils soutiennent vraiment cette idée. C'est très critiqué par les autres paléanthropologues parce que les paléanthropologues chinois nient carrément l'origine commune avec avec tout le monde. Enfin, ils pensent qu'ils sont à part, ailleurs, et qu'ils n'ont pas de. Donc là, ils sont dans un paradigme assez radical, et je pense qu'ils ont tort. Mais c'est intéressant parce qu'ils s'appuient quand même sur des faits assez troublants. C'est intéressant cette continuité du fossile, cette continuité, c'est-à-dire que vous prenez des fossiles, vous les mettez côte à côte, enfin vous les mettez en ligne, et vous voyez une sorte de continuité jusqu'à donner le crâne d'un Chinois. Et avec les mêmes caractéristiques à chaque fois C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous voyez un Erectus, et on voit son crâne qui change, et qui devient chinois, un crâne de chinois un peu, avec des traits qu'on retrouve. Et c'est ça leur méthode, ce qu'on appelle la continuité des fossiles. Donc est-ce que c'est ça qui explique leur spécificité de ces Chinois? Est-ce qu'ils sont le produit d'un métissage avec un Erectus archaïque aussi? La solution est toujours dans un entre-deux. Je pense qu'eux, ils sont dans un extrême. Mais ils ont des preuves assez intéressantes. Moi, je pense qu'il y a eu une population simplement d'Homo erectus qui est restée localement et qui a eu un métissage avec des sapiens, et ça a donné une spécificité de population qui a donné les Chinois ou les Nord-Est. De toute manière, les Japonais viennent des Chinois. Enfin, je veux dire, la conquête de l'île japonaise est faite par une population chinoise. Donc, effectivement, la race chinoise a une spécificité qui est mesurée, testable, et qui est évidemment différente des populations du Sud-Est. Et cette population du Sud-Est, tu dis l'homme de Denisova, c'est quoi? C'est un homme qui vient du centre de l'Asie, c'est ça? De l'Altaï. Alors, on pense qu'il vient de l'Altaï. En fait, il vient d'une population commune avec Néandertal. Ils sont très proches avec Néandertal. Et en fait, on pense que soit c'est un Néandertal qui ensuite... C'est divisé, justement, et qu'il y a un isolement, et qui a conquis, Denisova aurait conquis tout l'Asie du Sud-Est. C'est une des hypothèses. Ça s'est passé comme ça, et il y a eu une spéciation spécifique avec Denisova, bien distincte de Néandertal. Voilà, c'est l'hypothèse. Mais après, nous n'avons, encore une fois, c'est le matériel fossile. Il faut plus de matériel fossile pour pouvoir avancer sur ces questions. Mais après, c'est des spéculations. Et il y a l'homme de Flores aussi. Alors lui, c'est quoi? C'est un petit. En fait, c'est simple. On pensait au début qu'il a subi ce qu'on appelle le nanisme insulaire. Alors, c'est Homo florensis, c'est trouvé sur l'île de Java, et on pensait qu'il y a eu un phénomène ce qu'on appelle de nanisme insulaire. Des fois, il y a des animaux quand ils sont dans une île, ils deviennent très petits, très gros, etc. Comme l'exemple de l'éléphant dans une île. Il y a eu ça dans les îles grecques, vous avez un éléphant, il était tout petit. D'ailleurs, c'est là où on pense d'où vient le mythe des cyclopes. Parce qu'en fait, les Grecs sont tombés sur ces crânes, évidemment, ils n'ont pas dit « tiens, c'est un éléphant ». Ils ont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et comme l'éléphant, il a une trompe, au milieu, ils ont cru que c'était un œil. Et en fait, c'est à partir de ces crânes d'éléphants nains qu'ils ont émis l'hypothèse, ils ont inventé cette histoire de cyclope. Alors, et c'est pour ça que dans l'Iliade, quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous avez des cyclopes. C'est dans l'Odyssée, je crois. Et quand vous avez un cyclope, les cyclopes sont présentés comme vivant dans une caverne ou dans une île. C'est lié à ça. Et donc, pour revenir à l'Homo floresiens, vous avez en fait une espèce du genre Homo, mais qui a un crâne quasiment à peine supérieur à celui d'un chimpanzé. Et donc, et ça a fait polémique, parce qu'on s'est dit, mais attends, comment c'est possible? Ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait des genres, dans le genre Homo, une sorte de dérive génétique où on régresse. Alors, au lieu de continuer à avoir l'augmentation, il est possible d'avoir une régression. Tu comprends? Est-ce qu'il est possible de régresser ou pas? Et donc, c'était ça tout l'enjeu. Et donc, on pense simplement, en fait, que, il est possible, tout simplement, qu'il y a 2 millions d'années, une population très archaïque se soit divisée et qui, depuis, n'ont pas changé, n'ont pas évolué, si tu veux. Ils sont restés identiques, à une forme archaïque. Parce que ce n'est pas parce que c'est récent que c'est forcément plus évolué. Il ne faut pas penser que l'évolution, c'est une forme de courbe linéaire. Que plus c'est récent, plus c'est évolué, plus c'est ancien, plus c'est archaïque. Non, c'est plus complexe que ça. Vous pouvez trouver des spécimens récents, mais ayant des caractères archaïques, comme un petit volume crânien, des proportions, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec Homo floresiens. On a découvert finalement que l'évolution est toujours plus complexe. Et que même s'il est récent dans le temps, eh ben, il n'a pas évolué, enfin, comme les autres genres Homo, c'est-à-dire devenir plus grand, avec un volume crânien plus élevé, etc. Alors, il y a une autre question Mais aussi. maîtriser le feu et les outils, hein, attention. Tout à l'heure, tu as évoqué des auteurs. Alors, Richard Lynn, c'est lui qui est l'expert en QI, c'est ça qui C'est ça. Alors, Richard Lynn, alors moi je vais expliquer une chose, c'est que je me suis peu intéressé finalement à Richard. J'ai lu, hein, Richard Lynn, son livre. J'ai lu le site Intelligence humaine, etc. Mais le problème, il est que ça reste des psychologues et ça reste des sciences humaines. Et donc, en fait, c'est toujours sujet à polémique. Donc, en fait, moi, mon approche est toujours paléanthropologique et génétique parce que il y a très peu de cas de polémique. Alors que Richard Lynn, quand il fait des études, déjà, pour pouvoir faire des études, il faut être subventionné, il faut avoir des moyens. Donc, quand vous dites, moi, je souhaite faire des études pour comparer l'intelligence entre les différentes races, les races noires et les races blanches, déjà, c'est Déjà, compliqué. c'est compliqué, c'est Et sûr. ensuite, le problème, c'est que même si vous les faites, c'est toujours compliqué parce que le QI n'est pas une mesure absolue. Le QI, c'est pas quelque chose qui. C'est pas comme prendre une goutte de sang et faire une analyse d'ADN. C'est des méthodes empiriques, c'est des tests, c'est toujours. Il y a un aléatoire. C'est jamais aussi. Donc il y aura toujours des gens pour venir critiquer en disant cette étude n'est pas assez rigoureuse, l'échantillonnage n'est pas bon, statistiquement, il n'a pas respecté telle règle, etc. Donc. C'est pour ça que je me suis beaucoup moins intéressé finalement à Richard Lynn, d'autant plus que j'ai lu son livre et ses thèses, je n'y crois pas du tout. Enfin, je ne parle pas des différences de QI. C'est qu'à un moment, parce qu'il dit finalement pourquoi les blancs sont plus intelligents que les noirs. Finalement, parce que c'est ça en fait Oui, tout l'enjeu, il est tout l'enjeu là, des tout à études fait, de tout à Richard fait. Lynn, etc., c'est que quand on fait des tests de QI à la race noire, aux races blanches, aux asiatiques, etc., on voit une hiérarchie de QI. On voit que les Asiatiques du Ils Nord-Est, les arrivent, Chinois voilà, sont à très la fort tête, en fait. les Blancs sont à 100 et les Africains sont entre 70 et 80. C'est ça. Et il y a Donc, les aborigènes apparemment en dessous, encore en dessous, ils sont encore, à 56, voilà. etc. Donc, il établit ça. Bon, lui, il se pose la question, pourquoi? Enfin, il dit, est-ce qu'il y a une explication? Et c'est là où il a émis cette fameuse idée que, en fait, comme il fait plus froid en Europe, les Homo sapiens en Europe, parce qu'il fait plus froid, devaient chasser plus, et ça a sé sélectionné les plus intelligents, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il y a des saisons, etc. Évidemment, tout ça, c'est des conneries, enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est totalement faux, encore. Ah ouais, Enfin, ça c'est n'a, c'est pourquoi? tout simplement parce que quand vous étudiez Homo néandertal, néandertal est moins intelligent que Sapiens, quand vous étudiez ses outils. Sapiens, quand il sort d'Afrique, il a plus d'outils et de techniques de chasse et des outils plus perfectionnés que Néandertal. Ce qu'on appelle la période Néandertal, il est resté sur du biface et sur des lances. C'est-à-dire qu'il reste sur des lances à courte portée. Alors que Sapiens invente déjà des projectiles, invente des bifaces plus perfectionnés, a des outillages plus techniques. Or, Sapiens, dont je parle, a toujours vécu en Afrique. Donc comment est-il possible que la pression sélective aurait fait des Sapiens des hommes plus intelligents? Parce qu'ils étaient en Europe et que Néandertal soit pas n'était pas n'est pas atteint ce niveau d'intelligence. D'accord, ouais, Donc on c'est a en ça. fait deux populations du genre Homo. On a Néandertal qui vit en Europe dans un climat froid, dont on sait qu'effectivement il chassait énormément et qu'il avait une alimentation carnée, c'est-à-dire qu'il mangeait beaucoup de viande. Bon, l'alimentation carnée, c'est pas qu'il mangeait beaucoup de viande, il mangeait beaucoup d'animaux. Quand vous mangez des animaux, vous ne mangez pas que la viande, vous mangez les intestins, le cerveau, la moelle, etc. Donc il y a un apport en protéines, en lipides et en sucre. Donc, dans une carte, dans un animal, par exemple un cerf qui fait 80 kilos, c'est 127 000 kilocalories. Donc, on peut parfaitement vivre pendant tout l'hiver et manger que de la viande, et manger que des animaux, sans avoir de carence alimentaire. Vous pouvez manger un animal, le dépecer et manger que un animal tous les jours, des boyaux, des intestins, et vous n'avez aucun problème de santé. D'accord ? Donc, en fait, Néandertal, effectivement, était très carné. Pas uniquement, vous savez que certains Néandertals ils pêchaient, ils avaient aussi de l'alimentation. Et donc Néandertal est un grand chasseur, très bien. Donc normalement, il y aurait une sélection naturelle vers la sélection de plus intelligent chez Néandertal, puisqu'il est dans ce fameux environnement européen, où il est dans le froid, et il chasse, etc. Donc normalement, quand Sapiens et Néandertal se rencontrent, normalement Néandertal aurait dû avoir des technologies d'outillage supérieures à Sapiens. Or c'est l'inverse. Quand Sapiens arrive en Europe, il est plus intelligent par ses technologies, par les outils qu'il a. Et puis il domine, et puis finalement il va dominer Néandertal qui disparaîtra. Donc la cause dit du froid qui sélectionnerait les plus intelligents, qui doit s'adapter, il chasse mieux, etc., est simplement fausse. Je pense qu'il y a d'autres explications. Premièrement, il y a une chose à comprendre, c'est que dans un milieu froid, on a constaté que le volume cérébral il augmente. C'est-à-dire que une des adaptations au froid, c'était d'avoir un cerveau plus gros. Mais Néandertal ayant un cerveau plus gros, il n'est pas plus intelligent. Par exemple, les Inuits ont un cerveau en moyenne plus gros, mais ils sont à 90 de QI. Ils ont un cerveau en moyenne plus gros qu'un blanc, par exemple, mais ils ne sont pas plus intelligents, parce que c'est une adaptation au froid. Il y a une des hypothèses que certains paléontologues qu'on peut émettre, c'est que les sapiens qui sont arrivés en Europe ont eu une augmentation très légère de leur neurocrâne, du cerveau, à cause du froid. Et que ça a eu une augmentation légère de l'intelligence de ce point de vue-là. Il est possible que l'Homo sapiens, que le QI moyen des Africains est peut-être le QI ancestral. C'est pas eux qui sont moins intelligents. C'est juste que les sapiens qui se sont métissés avec Néandertal, avec Denisovien, et qui ont été dans ces régions, par l'aléatoire génétique, par ce métissage, a eu une augmentation d'intelligence. C'est peut-être possible que ce soit ça qui ait produit cela. En fait, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Pourquoi ? Parce que tant que nous n'avons pas le code génétique qui détermine, les gènes qui déterminent l'intelligence chez l'homme, on ne peut faire que des spéculations. Mais il n'y a que l'ADN qui va nous donner la réponse à cette question. Mais en tout cas, les explications de type, pour vivre dans le Nord, la vie est plus dure, etc., c'est totalement faux. La vie est plus facile dans le Nord, elle est plus difficile en Afrique. En Europe, la vie est plus facile. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de maladie. Vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas d'insectes vénéneux, etc. Parce que comme il fait froid, vous avez plutôt des gros mammifères, des herbivores. Vous avez beaucoup moins d'animaux sauvages, dangereux. Donc en fait, la chasse n'a que de danger que par l'animal que vous chassez. Et vous n'avez pas de... Comme il fait froid, il y a tout un ensemble de maladies qu'il n'y a pas. En Afrique, vous pouvez simplement mourir parce que vous marchez à tel endroit, parce que vous buvez telle eau, parce que il y a telle ou telle maladie, des vers, etc. Ce qui pour moi aussi est une explication aussi possible de la stagnation de l'intelligence. C'est que, en fait, la population en Afrique a pu stagner. Il n'y a pas eu un effet de sélection de l'intelligence, parce que tout simplement, c'est-à-dire que le processus naturel d'augmentation de l'intelligence qui devait avoir lieu, qui a lieu chez les autres Homo sapiens, qui n'a pas lieu en Afrique, est peut-être aussi dû qu'ils ont été bloqués par un environnement particulièrement difficile. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un Africain qui naît avec un QI de 100 ou plus intelligent, il peut simplement mourir de manière complètement aléatoire parce qu'il a été piqué par un insecte ou parce qu'il a bu une eau infectée, etc. Parce que parce qu'il ne suffit pas simplement de se nourrir, parce qu'il y a des gens, je lis, ils disent « Oui, mais en Afrique, c'est facile, il n'y a pas de saison, on mange à tout instant, on peut manger des fruits, etc. » Très bien, vous pouvez... Mais la vie n'est pas fonction que de la nourriture. Si vous marchez, vous faites piquer, vous tombez malade, vous mourrez. Et c'est complètement aléatoire. Une simple maladie peut vous entraîner. Il y a énormément de maladies, il y a beaucoup de... C'est très dangereux, la vie sauvage en Afrique est beaucoup plus... J'avais discuté avec... quelqu'un qui m'expliquait que même la vie... c'est encore plus dur qu'en Amazonie. La vie même en Amazonie est plus clémente que la vie en Afrique. Donc ça peut être une explication. Ça veut dire que les sapiens qui ont quitté l'Afrique ont découvert un environnement bien plus favorable à la vie, bien plus favorable au développement, parce qu'on n'y meurt pas de maladie, parce qu'il y a des gros animaux qu'on chasse plus facilement, etc. Et donc les sapiens ont explosé en Europe et en Eurasie, ont eu une augmentation de population parce que la vie était peut-être plus facile. Ça peut être une hypothèse aussi. Mais en tout cas, l'hypothèse que... Parce qu'il pourtant, fait... quand... Enfin, alors, je vais faire l'avocat de l'île, mais pourtant, dans les pays dits froids, justement, dans la bande d'hémisphère nord, il y a quand même l'hiver qui est rude. L'hiver n'est pas rude. Bah, l'hiver, c'est quand tu fais pour manger. Bah, tu cherches les animaux. T'as les gros bisons, tout ça. Comment ils font Néandertal quand il avait l'air glaciaire. Ouais, c'est vrai. Et comment on faisait le... quand il y a eu l'air glaciaire, le bas air glaciaire au Moyen-Âge, il y a eu des blocs de glace quasiment dans la Seine. Il y avait toujours eu survie. Mais je veux dire, le froid a des avantages, attention. Il y a des avantages, etc. Quand vous êtes malade, vous êtes vieux, vous pouvez mourir. Bah, donc, ça fait une cassure, ou si tu penses. Mais en fait, si tu l'as pensé en prévision, non c'est pas du tout. En fait, tout ça, c'est des vieilles philosophies du 19e. En fait, c'est des vieilles idées comme Marx qui comparait l'abeille à l'homme en disant voilà, l'homme est nu. Il n'a aucune propriété physique, alors que l'abeille est un automate, donc l'homme a dû trouver des astuces pour survivre, parce que justement c'est un animal nu. C'est totalement faux. L'homme est le produit d'une sélection naturelle. L'homme a des aptitudes physiologiques exceptionnelles. Nous sommes des animaux extraordinairement endurants, nous sommes des animaux qui pouvons courir et faire des efforts pendant des jours et des jours, c'est ce qu'on appelle par exemple la chasse par l'épuisement. Ça veut dire que des hommes pourchassent un animal jusqu'à ce qu'il soit tellement épuisé qu'il le tue comme ça. C'est-à-dire qu'il ne le tue pas parce qu'ils ont lancé la lance. Ils le chassent pendant un jour, deux jours, et puis l'animal est tellement épuisé qu'il ne peut plus s'échapper, il meurt. Parce que nous sommes des animaux d'une endurance exceptionnelle. Nous pouvons parcourir 50, 100, des milliers de kilomètres. Et on peut courir, on a des capacités d'endurance extraordinaires. Donc en fait, c'est une extraordinaire force qu'a l'homme. Il faut rappeler que quand notre espèce apparaît, notre espèce apparaît il y a 300 000 ans, mais il y a plus de 500 000 ans, le feu était déjà maîtrisé, et l'outil commence il y a déjà 2 millions d'années. C'est-à-dire que notre espèce, quand elle apparaît, elle a le feu et l'outil. On n'est pas apparu nu comme ça, avec nos dents, et à déchirer des animaux avec notre bouche. C'est un mensonge, on n'a jamais eu besoin de ça, parce que l'homme, quand il est apparu, il avait déjà la maîtrise d'un outillage. Donc quand il avait un animal, il le dépeçait, il l'ouvrait, il coupait, il taillait, et il avait le feu pour cuire la viande. Donc, nous sommes le produit de ce résultat, vous comprenez ? C'est que l'homme est le produit de l'adaptation d'anciens hominidés qui ont inventé le feu, qui ont inventé les outillages, etc. Nous n'avons pas besoin de mâcher de la viande crue parce que nous avons le feu. Et c'est une adaptation évolutive. Et donc, il faut sortir de ces visions simplistes de l'évolution. D'accord, ouais, de type, bon, bah, il fait froid, comme il fait froid, il faut stocker. Donc, stocker, c'est intelligent, il faut réfléchir. Donc, en fait, ça a stimulé l'intelligence. Comme ça, en fait, les sapiens se sont dit « Oh là là, il fait froid !» Mais c'est l'explication qu'on donne le plus souvent. Évidemment faux. C'est simplement faux, parce que si c'était vrai, Néandertal serait un génie, alors. Ça fait des centaines de milliers d'années, plus de 250 000 ans d'adaptation aux zones froides, et sapiens arrive, il le domine. C'est-à-dire que sapiens, nous trouvons en Afrique, à la même période où il y a Néandertal, en Afrique, on trouve des objets d'art. Des coquillages percés, des choses qui n'existent pas chez Néandertal. C'est-à-dire qu'on a des preuves d'échanges même en Afrique, alors qu'en Europe, il n'y en a pas chez Néandertal. Donc Sapiens a véritablement une supériorité cognitive. Or, l'environnement de Sapiens n'est pas... L'Afrique est un environnement très difficile. Alors, est-ce que c'est tous les Sapiens? Ou est-ce qu'il y avait déjà en Afrique des Sapiens plus intelligents que d'autres, etc.? Ça, c'est une autre question. Les théories de ce type-là, que le froid sélectionnerait l'intelligence, etc. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est des biais de raisonnement. C'est qu'on établit des corrélations. On dit, tiens, les blancs ils sont dans des zones froides, les noirs sont dans des zones chaudes. On établit des corrélations. Et donc, à partir de ces corrélations, on fait des interprétations. On dit, parce que, en fait, c'est des explications ad hoc, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, on dit, tiens, on établit une corrélation et on essaie de trouver une justification à cette corrélation, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Et c'est là où je suis un peu déçu par Lynn quand j'ai lu son livre, parce que être aussi affirmatif sur un sujet dont apparemment il ne connaît pas, c'est particulièrement troublant. Parce que je n'ai jamais lu un paléanthropologue être affirmatif en disant, mais non, mais c'est ça, c'est sûr et certain, surtout dans leur domaine où à chaque fois il y a des bouleversements. Il suffit de trouver un fossile, une datation. Un élément nouveau et ça peut tout faire balancer, toutes les théories peuvent s'effondrer, il faut recommencer le travail. Donc c'est une façon d'être affirmatif qui ne correspond pas de toute façon à la réalité. D'accord. Bah, écoute, et surtout, en plus, juste pour finir c'est que Rushton, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que Rushton, lui, il émet l'hypothèse que justement que le niveau de vie, la difficulté de la vie en Afrique est telle que la sélection sexuelle et la sélection naturelle a sélectionné des aptitudes dans la population de race noire à justement produire plus d'enfants pour compenser cette surmortalité. Et par exemple, une des spécificités physiologiques des femmes de race noire, c'est d'avoir des doubles ovulations. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y ait qu'un œuf qui sort du follicule, vous en avez deux. Donc en fait, vous avez dans l'utérus non pas un bébé, mais deux. Et donc en fait, une femme, il y a plus de jumeaux, de faux jumeaux, etc. chez les femmes noires qu'ailleurs. Il y a une surreprésentation. Et en fait, Rushton, il y a aussi une autre chose, c'est que, et là on revient sur la thématique de la matrifocalité, c'est que il y a deux stratégies dans le règne animal, de l'investissement parental mâle. C'est soit on fait un maximum de bébés, on fait un maximum de petits, et dans l'eau, 90% meurent, il n'y en a que 10% et ça suffit. Ça, c'est la stratégie. Il y a une stratégie, c'est R et R, grand R, petit R ou grand R, si je me souviens bien. Et il y a l'autre stratégie qui consiste à maximiser à fond dans l'éducation de l'enfant, pour le préserver. Donc certains oiseaux font ça, par exemple, ils vont faire un ou deux bébés, et ils vont l'entretenir, lui faire manger jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand, lui faire un nid, le protéger jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc il y a deux types de stratégies. Et lui, il dit, nous, notre espèce, elle se caractérise par un investissement parental, mais quand on compare l'investissement du père, c'est ça qui compte, c'est pas l'investissement de la mère, elle s'investit toujours pour les petits. Quand on compare l'investissement parental, les noirs ont cette spécificité où le père s'investit peu. Et en fait, ça ressemble plus le système matrifocal à un système où on va faire beaucoup de bébés, on va faire beaucoup d'enfants, et où effectivement le père investit peu de temps finalement à l'éducation et à l'investissement parental, où l'investissement parental du père africain est beaucoup plus faible que comparativement à l'investissement parental d'un père asiatique ou d'un père blanc ou d'un père même maghrébin, etc. Et donc, on peut penser que c'est le résultat, la matrifocalité, de cet environnement extraordinairement difficile, où beaucoup d'enfants meurent, etc. Et où la seule solution dans ce cas-là, c'est de faire beaucoup d'enfants. Imaginons que je vous mets en difficulté. Je vous dis, bon, voilà le problème. Sur ton enfant a une chance sur deux quasiment de mourir. Là, tu fais 5 enfants, tu en as 2 ou 3 qui meurent. Et peut-être les 2 autres n'arriveront même pas à se reproduire. Quelle est la solution à cela? D'en en faire 10. Mais pour en faire 10, ça présuppose tout un ensemble de choses. Une structure familiale, etc. Pour faire autant d'enfants, etc. Et donc, il y a des spécificités. Il y a aussi une explication aussi de Satoshi Kanazawa, qui est un psychologue social en Angleterre, qui avait fait une polémique récente parce qu'il a établi que les femmes de race noire avaient de la testostérone plus élevée. Elles ont plus de testostérone, c'est-à-dire qu'elles ont l'œstrogène, la progestérone, mais en plus elles ont de la testostérone. Ce qui expliquerait pour lui, c'est la cause pour lui du célibat qui frappe les femmes noires américaines. D'accord. Les femmes noires américaines sont à 70% célibataires. Il pense que c'est parce qu'elles sont moins attirantes sexuellement, selon lui, pour les hommes noirs qu'une femme blanche. Un homme noir va aller plus vers une femme noire, pas par racisme, par haine et tout, mais parce qu'une femme blanche va apparaître comme plus féminine qu'une femme noire. Etc. Mais par exemple, si on prend cette donnée, ça voudrait dire que les femmes, finalement, une femme noire, ayant un peu plus de testostérone, est un peu une femme moins soumise, plus autoritaire, et qui finalement peut chasser le mari ou l'époux ou l'homme de la maison. Mais c'est une réalité culturelle, socioculturelle. Tu vois, c'est une chose qui est étudiée. Okay. Et donc tout ça est beaucoup plus, quelque part, cohérent finalement dans une explication, et c'est testable et vérifiable, c'est ça qui est très important, c'est qu'on peut le tester, on peut le vérifier. Ça peut être faux ce que je dis, c'est pas grave, moi c'est pas le problème, je suis pas en train de dire que j'ai une vérité absolue et il n'y a pas de problème, je dis juste que c'est plus des pistes intéressantes à réfléchir que l'hypothèse que quand il fait froid, faut préparer des réserves, et ça c'est vachement intelligent de penser à faire ça. D'accord, c'est ça, ça pourrait être une explication, pour ça que même sur le métissage alors, par exemple, je vois les premiers colons blancs d'origine hollandaise qui sont installés en Afrique du Sud et qui ont eu des enfants justement avec ces femmes bushmen, mais ils ont élevé les enfants, ils ont été à l'école, etc. Mmh. Et il y a eu le même phénomène dans les Antilles, même avec les Antilles françaises, où quand les blancs avaient des enfants avec les noirs, en fait les enfants étaient élevés comme entre guillemets par le père blanc qui les prenait et qui leur Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était seul dans le foyer, il y avait Plus la mère. Justement, ce qui veut dire que si tu veux, C'est le modèle. Le père se préoccupe vraiment de l'éducation des enfants. Ah oui, d'accord. Quoi. Tu veux dire qu'il y avait une différence. Même dans un métissage, quoi. Oui, c'est-à-dire oui, que c'est un peu intéressant de voir ça, quoi. C'est par rapport à ce que tu dis, mais c'est intéressant. Oui, mais. Parce que ça a donné, après, on a vu les métisses, même qui ont participé à la Révolution française, etc. Mais oui, ils ont été élevés par leur père blanc, oui, quoi. Oui, c'est, oui. Ils les ont pas rejetés en temps, oui, ils les ont élevés en disant. Parce qu'il y a, l'investissement parental mâle est un critère très important. Qui est utilisé dans la théorie de l'évolution et qui permet aussi finalement de bien comprendre la spécificité de notre espèce. Par exemple, il y a un autre processus, une autre hypothèse qui a été mise, c'est ce qu'on appelle le processus d'autodomestication. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est que notre espèce, on se serait nous-mêmes domestiqués. Ouais. Donc c'est ça l'hypothèse, c'est une ancienne hypothèse, il y a une étude très récente, je pourrais la communiquer, c'est très passionnant, je l'ai lu, sur ce principe d'autodomestication. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont étudié énormément d'animaux sauvages et leurs variantes domestiquées. Et ils disent que, par exemple, nos traits physiques... En fait, nous, on ressemble à nous avons l'Homo sapiens actuel est féminisé par rapport à Néandertal. Il faut bien comprendre que Néandertal, c'était une brute de muscles. Il avait son anatomie de base... était estimé à 5000 kilocalories. 5000 kilocalories, sachant qu'un homme moyen, il est à 2000 kilocalories, qu'un asiatique est à 1600 kilocalories. C'est-à-dire qu'un néandertal, c'était juste un homme qui, juste au repos, avait besoin de 5000 kilocalories. D'ailleurs, c'était une des hypothèses qui était mise en avant que pour pouvoir se nourrir, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'en fait, néandertal avait les besoins énergétiques de deux hommes sapiens. Ah oui. Donc, et là, je vous parle de base, c'est-à-dire sans activité physique, c'est sans pour aller ça que courir. Sapiens, peut-être les balais. Et ben, peut-être. Mais sauf que, mais on pense qu'il est. Mais Sapiens, on pense aussi que Sapiens a des caractéristiques plus féminines. Par exemple, nous n'avons pas de bourrelet susorbitaire. Nous n'avons pas d'épaississement osseux au niveau du crâne. On a un crâne très lisse, très gracile, on dit. Pas robuste, on n'a pas d'ossement puissant, etc. Et on pense que, par exemple, les Néandertals étaient incapables. À un certain niveau, de coopérer entre eux. Ils étaient trop violents, trop brutaux. Alors que Sapiens le peut. Et en fait, notre espèce se caractérise par une certaine féminisation. Et c'est pour ça que l'investissement parental des hommes, c'est-à-dire que des hommes s'occupent de leurs enfants, est une propriété un peu féminine. Et donc, en fait, dans le processus évolutif, cette autodomestication a pu être quelque chose qui a eu un certain nombre de conséquences positives. Et peut-être cette autodomestication a été beaucoup plus faible dans la race noire. Dans la population noire, cette autodomestication a été relativement plus faible. Ce qui fait qu'en moyenne, les Noirs ont gardé une testostérone plus élevée, qu'ailleurs, elle a diminué. Et ce qui permet en fait de passer de ce qu'on appelle une agressivité réactive à une agressivité proactive. Une agressivité réactive, c'est... vous sortez de la gare, il y a un maghrébin qui vous demande une cigarette, vous lui dites que non, vous avez travaillé, que lui, il a qu'à bosser, et là, il sort un couteau et il vous met un coup de couteau. Par exemple, ça, c'est une agressivité réactive. Et si vous faites une agressivité proactive, c'est deux généraux qui se mettent d'accord pour faire la guerre. C'est-à-dire qu'une une agressivité réactive, c'est une agressivité qui est le produit de la colère, d'un sentiment d'humiliation, alors que, par exemple, une agressivité proactive est une décision rationnelle. D'accord. Mais on pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être au sein de Sapiens, les hommes trop agressifs, par exemple, ils partaient en chasse, et les hommes trop violents, trop agressifs étaient tués pendant la chasse. Et donc, il y a eu un phénomène de sélection de ce type-là. Donc, les hommes qui se faisaient tuer pendant la chasse ne transmettaient pas leurs gènes. D'accord. Et donc, finalement, on a éliminé les violents, les plus agressifs. Et donc, mais en même temps, c'est légèrement féminisé. Or, si vous vous rappelez bien une des vidéos d'Aurélien Antoven et de l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, il disait, oui, mais attention, les races, ça n'a de sens que pour l'élevage des animaux, que les animaux élevés, les animaux issus de l'élevage. Et ce qui est drôle, c'est que nous sommes nous-mêmes peut-être des animaux semi-élevés. Où on sait des animaux... Parce qu'il dit, oui, la race n'a de sens que pour les animaux domestiqués. On utilise les concepts de race pour les animaux domestiqués. Et là, c'est un peu une boutade. Mais ce qui est drôle, c'est que les paléanthropologues parlent sérieusement de la possibilité que nous sommes nous-mêmes des animaux domestiqués, quelque part. Par nous-mêmes, l'autodomestication. Par cette autodomestication. Et donc, peut-être que ce phénomène racial a été aussi accentué par ce principe d'autodomestication. Peut-être qu'il a eu plus lieu en Europe, en Asie, et beaucoup moins en Afrique, etc. Tout ça, c'est des hypothèses, mais c'est ça qui est intéressant. Et voilà, donc une des spécificités de la virilité, quelque part, elle est plus, non pas dans la violence physique, mais dans l'investissement d'un homme pour être père. Et quelque part, ça en revient à toute la mythologie, par exemple, de la Bible, ou des anciens, où le patriarcalisme se fonde du rêve de devenir un père. C'est ça le grand rêve, finalement, d'Abraham, c'est d'avoir un fils, et à chaque fois, ils ont des fils, c'est une histoire de père et de fils. Vous voyez ? Et donc, c'est l'élan civilisationnel est un peu fondé sur le fait qu'un homme veut un fils, alors que dans une société où des hommes sont très brutaux ou violents, avoir des enfants, ils s'en fichent. Ça ne les concerne pas, quelque part. Ça les attire peu. D'accord, oui, ça, c'est très intéressant. Alors, on arrive à la fin, je vais prendre les questions, les dernières. Alors, question de San, merci pour cette émission très intéressante. Je ne pense pas, je me trompe pas en disant que l'existence des races n'est pas le débat primordial au sein de la communauté scientifique. La remise en question de cette existence n'existe presque exclusivement qu'en Europe de l'Ouest. Ce qui dérange réellement, c'est la potentielle récupération politique de ce concept des races au sein de l'espèce humaine. Je voulais donc te demander ce qui t'a amené à te spécialiser dans cette branche de la biologie et quelle en est la finalité. Que peut apporter la question raciale au sens biologique du terme à la cause politique, identitaire et ou nationaliste ? Alors pour répondre, elle est longue. Elle est longue sa question. Mais, alors d'abord, pourquoi je me suis intéressé à la paléanthropologie ? Simplement parce que j'ai beaucoup étudié les sciences humaines, j'ai beaucoup lu, et à un moment donné, plus je lisais un livre, moins je comprenais la réalité. Et j'étais totalement frustré intellectuellement parce que vous pouvez lire autant de sociologues, de sciences humaines, cela ne vous apprendra rien, parce qu'en fait, les sciences humaines ne sont pas des sciences. Elles sont incapables de décrire la réalité, de vous expliquer la réalité, sauf de façon marginale certains domaines, etc. Mais sinon, en grande partie, aucun sociologue ne peut vraiment vous expliquer, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des sciences. J'ai compris ça surtout en lisant Karl Popper et son livre sur la logique de la découverte scientifique. Mais c'est surtout, en fait, qui est venu d'une frustration profonde d'avoir lu autant de livres, que ce soit de la géopolitique, que ce soit des philosophes, mais surtout des sciences humaines en général, et de me dire, mais ça ne répond jamais aux questions. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Pourquoi la Corée du Sud s'est développée? Pourquoi le colonialisme a eu tel effet en Afrique, mais pas cet effet-là pour d'autres populations, etc. Mais ce n'est pas ça qui m'a amené à m'intéresser aux races. C'est juste qu'en fait, j'ai eu un ras-le-bol simplement de ça, et je me suis passionné simplement pour la paléanthropologie de façon hasardeuse. J'ai vu une conférence sur Internet, j'ai trouvé ça génial. Ça a renoué avec une passion que j'avais eue quand j'étais très jeune. J'étais au collège, j'avais vu un documentaire, c'est l'Odyssée de l'espèce, qui m'avait profondément ému. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça incroyable, etc. Et donc je me suis dit, je me suis mis à étudier ça, j'ai vu des conférences, puis je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est possible d'étudier, etc. Et j'ai trouvé les cours du Collège de France, et depuis j'ai étudié des centaines d'heures du cours du Collège de France de paléanthropologie. Et en fait, en étudiant ça, je me suis dit, les races humaines existent. Scientifiquement parlant, en fait. En fait, elles existent. Ça découle de source. C'est-à-dire que d'un point de vue de la théorie de l'évolution, quand vous lisez, vous étudiez, et vous voyez les débats internes entre scientifiques, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils se le disent, vous dites, ah, mais en fait, les races humaines existent. Mais est-ce que... Ouais, vas-y, pour la point de vue politique, oui, bien sûr que ça a une conséquence politique. Parce que l'Europe, l'Occident, et c'est pour ça que il y a une communauté d'amitié entre moi, Daniel, Yann et Soavelos. C'est parce qu'il y a un véritable danger de mort de l'Europe et de la France par l'immigration que nous connaissons. Parce que c'est une race différente, et surtout ce sont des populations non-blanches totalement différentes et qui ont des QI beaucoup plus bas et qui sont beaucoup plus agressifs parce qu'ils ont plus de testostérone, ce qui est mesuré. Donc c'est-à-dire que c'est des populations plus criminogènes qui détruisent les fondements de la civilisation occidentale. Et c'est en ça que c'est catastrophique. Parce que l'immigration est une priorité absolue à combattre, bien plus même que l'islam et tout ça, parce que, si vous voulez, l'islam n'est qu'une conséquence de cette immigration. Si demain, il y a 30 millions ou 50 millions, c'est terminé. S'il y a 50 millions de non-blancs abattus, c'est fini. L'Europe est terminée. Ça sera le Liberia, ça sera des bidonvilles, et ça sera exactement ce pourquoi ils ont fui, d'ailleurs. Ils vont créer simplement le monde qu'ils ont fui. Et c'est ça, la réalité. Et c'est juste extraordinairement dangereux et immoral, en fait. C'est une situation horrible où les Blancs risquent réellement, je parle de vie ou de mort, je suis sincère, je crois totalement au danger du grand remplacement. C'est un danger réel. Le génocide des Blancs est une réalité déjà ailleurs, quand vous voyez en Afrique du Sud l'actualité, etc. Moi, je trouve ça horrible. On est en train de vivre des gens qui meurent, qui se font voler, qui se font exproprier, qui se font tuer. Et les Européens, l'Europe reste le foyer blanc et ce foyer est attaqué. Or, la civilisation européenne a produit l'une des plus grandes et la plus grande des civilisations est la civilisation européenne occidentale produite. Donc, c'est pour ça aussi que ça a une conséquence grave de ce point de vue-là. Donc, pour moi, c'est en ça que c'est. C'est-à-dire, quand vous êtes. Vous vous intéressez à l'histoire de l'Europe, vous lisez de la philosophie. Moi, je suis un passionné. Moi, je fais des études de philosophie. Vous ne pouvez pas. Enfin, je veux dire, quand vous lisez Aristote, vous lisez Xénophon, Platon, vous lisez Thucydide, la guerre du Péloponnèse, vous vous rendez compte, vous dites, mais quel génie, c'est extraordinaire en termes d'intelligence, de puissance intellectuelle. Quand vous lisez l'histoire de Rome, l'histoire des Grecs, tout cela, c'est juste extraordinaire. Tout ça peut disparaître à cause de l'immigration. Alors, il faut plus se développer, parce que là, on est en fin d'émission, etc. Mmh. Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est fondamental. C'est pas que sauver la France. C'est pour ça que c'est une question même au-delà même du nationalisme. C'est du nationalisme blanc. Il faut sauver le monde blanc. Il faut sauver l'Angleterre, il faut sauver la France, il faut sauver l'Allemagne, il faut sauver l'Europe. Et il ne peut pas en être autrement. Et c'est pour ça que cette question, elle est en fait fondamentale, qui clive. C'est la question. À une époque, Dieudonné disait la question qui clive, c'était le sionisme. Mais aujourd'hui, la question qui clive, c'est la question raciale, la conscience raciale des Blancs. Et moi, mon objectif, c'est de dire, mais bien sûr qu'il est possible d'envisager que la race blanche, que les races existent, et il est tout à fait normal qu'un Blanc se sente fier d'être Blanc et de sa conscience raciale et qu'il dit non, je ne veux pas me métisser, je ne veux pas me mélanger, je veux rester Blanc, je n'ai pas de raison à me métisser, je ne le veux pas. Et je me battrai contre ça et ça peut être tout à fait honorable de le dire. Et il faut le dire. Surtout que les autres le disent, je ne parle plus. Oui, ça, c'est sûr. Enfin, ça arrive souvent, malheureusement. Mais tu voulais me poser une question. Oui, c'était pour dire, justement, sur ce fameux patrimoine génétique des Blancs, toi, tu penses qu'il est conservé malgré tous les mélanges qu'il y a eu en Europe depuis... Oui, il n'y a eu pas tant que ça de mélange. Déjà, il faut rendre compte que déjà, il y avait des divisions tribales internes. L'Europe, c'est une longue histoire de beaucoup de tribus qui se sont fait la guerre, qui se sont unies, etc. Il y a eu un métissage, si vous voulez, au sein de la race blanche, si vous voulez. Mais il n'y a pas eu un métissage avec des... Entre blancs, quoi. Il y a un métissage entre blancs, ça, je suis d'accord. La France, on peut considérer que la France est le produit de l'histoire, à la fois germanique, des latins, etc., la langue, etc. C'est ça qu'on entend par métissage. Oui, un métissage franco-français, si vous voulez. Dire qu'en fait, ça fait des générations de métissage, c'est totalement faux. Il y a une homogénéité raciale, mais dans tous les peuples, d'ailleurs, c'est pas que les Blancs, et beaucoup de peuples et la plupart des peuples ont préservé leur unité raciale. Après, il y a des spécificités. Par exemple, vous avez la population turque, par exemple, c'est intéressant, c'est des Asiatiques. C'est des Mongols, en fait, qui se sont installés, qui se sont convertis. Or, ce sont des gens extraordinairement claniques, tribalistes. On ne se marie pas avec n'importe qui, n'importe quand. Si on n'a pas l'accord du père, du grand-père, de l'oncle, du frère, etc., si ce n'est pas double signé, vous ne vous mariez pas. Et puis, c'est un entre Turcs, je peux vous le dire. Ils se marient entre Turcs. Ce sont des populations. Par exemple, la langue turque est une langue apparentée au japonais, par exemple. Ils ont les mêmes expressions, enfin pas expressions de mots, mais des façons de prononcer les mots et des difficultés linguistiques. Donc évidemment, c'est-à-dire que, à la limite, si j'étais en Turquie et je devais nuancer, je dirais, bon, écoutez, les Turcs quand même viennent d'Asie, c'est plus compliqué pour les Turcs en termes raciaux. Mais les Européens sont, déjà géographiquement, sont isolés d'un bord, il y a la mer qui les isole, et ensuite il y a une frontière physique, quoi. Et la mer Méditerranée reste un obstacle, on ne traverse pas comme ça une mer. Et donc, je n'ai pas lu, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas lu quelque chose qui va à l'encontre de cette idée qu'il n'y aurait pas d'homogénéité en Europe. Bah, surtout que les Turcs, eux, doivent se mettre dans la race blanche, je crois, non ? Enfin, je ne sais pas, j'imagine, non ? En tout cas, pas en termes génétiques. Pas en termes génétiques. Je crois que les Turcs se considèrent comme Turcs avant tout, tout simplement. Dernière question, justement, est-ce que la race aussi, ça ne peut pas être une simple question de représentation aussi ? Comment c'est possible que ce soit une simple question de représentation si factuellement je peux, avec une prise de sang, déterminer de quelle race la personne est. Ah oui, voilà, avec une prise de sang. Mais là, dans la société, on ne se balade pas tous avec des... Mais encore une fois, je vais l'avocat du diable. Attends, est-ce que ton téléphone a téléchargé ou pas? Je sais pas. Je vais te dire que tu vas être capable avec tes yeux, alors que tu n'es pas spécialiste, t'es pas du tout spécialiste, mais tu vas me dire que tu vas être tout à fait capable de différencier un noir, un blanc et un asiatique. Ça, je peux te le dire. Tu vas me regarder, tu vas me dire, ah purée, je... Alors, Ascal, c'est en train de charger. On va voir. Alors, attends, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé... Voilà, bah c'est parfait. Voilà. Alors... Alors là, là, c'est un tuto, donc on s'en fiche. Donc, tu vois, on est ici. Bon, là, c'est un crâne d'Homo sapiens. D'accord. Okay. Donc là, je te disais ici. Donc là, on va faire de la crâneau. Alors, vous avez cranométrique mode. Et là, tout en bas, tu as ethnic feature. Ethnic feature, c'est d'accord. Ok, et voilà. Et voilà, tu as donc trois crânes. Caucasoïde, négroïde, mongoloïde. D'accord. Donc, on va voir tout de suite les différences. Tu vois, là, tu as quoi? Caucasoïde. Donc, tu vois, il te donne facial en 85 degrés. D'accord. Donc, par exemple, on va rester, tu vois, comment est le crâne d'un blanc, entre guillemets. Et là, regarde ici. Déjà, tu vois, sur le côté, là, les trois crânes sont alignés. D'accord. Là, tu as un caucasoïde. Et regarde l'Africain, le négroïde, comment il est son crâne. Ah oui, c'est pas le même. Ouais. Tu vois, le crâne est vraiment différent. Là, on voit les structures. Et maintenant, là, on a un crâne africain. Regarde le prognathisme, tu vois. Tu as un angle de 70 degrés. Ah, ouais. Et ça, c'est des moyennes. Hein. Donc, tu vois. Et tu vois, l'angle ici, il est plus prononcé. C'est-à-dire que le crâne, au lieu d'être comme ça, il est un peu plus fléchi. Ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et tu vois, on voit bien qu'il est plus massif un peu. La machin. Et tu vois, là, le fameux... Le cochi. Le fameux cochi dont tu parles. Mais tu vois, regarde, ça fait... Tu vois, tu as une énorme fleur. Et ensuite, ça reprend. Ouais, et tu vois, tu n'es pas du tout spécialiste. Et tout de suite, tu le vois. Et c'est comme ça que tu arrives à faire dans la vie réelle. Ouais. Et là, je ne suis pas en train de vous sortir une application au fin fond que je vous ai trouvé tout seul. Vous allez sur Google, vous le regardez. Et ensuite, alors là, le crâne mongoloïde. Ah, là aussi. Et ouais, regardez le néocortex, comment il est développé à l'avant. Alors que par exemple, un crâne africain, il est moins développé, il est plus serré tout à ici. Fait, oui. Ouais, or, c'est la partie du néocortex, etc. Hein. Etc. Après, tu pourras regarder. D'accord. Okay. Donc, vous pourrez regarder. Bon, regardez. Alors, c'était Skull 3D, je rappelle. Skull 3D. Skull 3D, Vous verrez, vous ferez de la crânométrie avec votre mère, votre père, votre copine. Vous allez dire, tu vois, on n'est pas tout à fait les mêmes. Hein, D'accord. Et donc, toi, tu dis par... alors, c'est quoi pour déterminer la race? Par une prise de sang et par non, un ADN? Non, mais parce que sérieux. On m'a expliqué... Alors, non, mais attends, juste pour être sérieux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la personne, bon, c'est pas votre race. On m'a expliqué, par exemple... Non, mais je veux dire, comment voulez-vous faire? Non, par exemple, on m'a expliqué qu'aux États-Unis, je pouvais envoyer mon ADN anonymement. Oui, c'est ça. Et puis on la salive. Avec la salive. C'est fiable, franchement. Oui, mais attention, attendez. C'est des entreprises. Donc, vous avez des gammes. Vous avez l'entrée de gamme qui est à 120 euros. Vous avez une moyenne gamme à 500 euros. Puis, le vrai test ADN, il coûte 1000 euros. Entre 1000 et 1200 euros. Et c'est le vrai test qui est fait, en fait. Parce que le test à 120-200 euros, il est assez... comment dire? Il va juste vous dire qu'est-ce qui est proportionnel. Il va pas vous donner les proportions exactes d'haplogroupe. Il va juste dire, au final, vous êtes de tel groupe. Point barre, mais il ne va pas vous donner les proportions exactes, etc. Si vous êtes vraiment motivé, vous avez 1000 euros à mettre, vous pouvez mettre... Et l'intérêt de ces tests, ce n'est pas uniquement de dire « est-ce que je suis blanc ?» Ce n'est pas que racial, c'est aussi médical. Parce que ça va étudier votre gène, et grâce à cela, on va voir si vous avez des prédispositions à des maladies génétiques. D'accord. Ou des maladies qui vont se déclencher plus tard, à 40 ans, 50 ans. Donc ça va être, c'est une technologie extraordinaire médicale, évidemment, parce qu'on va pouvoir faire de la prévention grâce à cela. Donc on est bien plus capable, déterminer la race, si vous voulez, c'est pas ça l'enjeu quasiment de ces études. C'est pour déterminer les maladies consanguines, les maladies génétiques. Par exemple, vous avez une société génétique en Suisse, qui a un site internet, et qui fait des études, fait des tests spécialement faits pour les juifs, pour éviter la consanguinité. Et il y a l'ADN, Cohen, l'ADN, Lévi, ils en parlent de mais ça. Mais quoi, les juifs, c'est une race, ça? Alors, ce serait une sous... les juifs ashkénazes seraient une sous-entité de la race blanche. D'accord. Ça, c'est une hypothèse. Mais le peuple des juifs. Non, je rigole. Honnêtement, je ne sais rien. Non, je rigole. Non, bon, en tout cas, écoute... Comment? Non, je dis le peuple élu, parce non, que... Je rigole. On est tous d'accord, on rigole. On rigole. Il n'y a pas de problème. Ça coûte combien? On peut y arriver. Bon, écoute, merci beaucoup, Ascal. On arrive à la fin de l'entretien. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y, hein, c'est le moment. Parce que... Moi, en fait, j'en profite pour finir. Je dirais que... comment il s'appelle je vais faire un groupe de zététiciens J'appelle ça les zététiciens dissidents pour l'instant, parce que je ne trouve pas mieux, mais c'est plutôt pour rigoler. Parce que je suis dans une démarche scientifique. En fait, j'ai déjà des gens qui travaillent avec moi, comme vous l'avez pu remarquer, les vidéos. La qualité des vidéos, je ne le dois absolument pas à ma personne. J'ai heureusement une personne extraordinaire qui est travailleuse, qui m'a contacté, qui veut travailler avec moi. Mais j'ai aussi d'autres personnes, un étudiant et une autre personne, qui sont d'une formation scientifique et qui travaillent avec qui on est en contact et on travaille ensemble pour justement étudier des études, des publications, on échange, on compare, etc. Donc si jamais vous êtes motivé, que vous avez fait une formation scientifique et c'est un sujet qui peut vous passionner, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je souhaite créer un groupe de zététiciens sur la question des différences humaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que scientifiquement on peut en parler? Comment en parler? Parce qu'en réalité, ma démarche est celle d'un zététicien, c'est-à-dire moi j'utilise la science, les résultats, tout ce qui n'est pas validé dans un consensus scientifique, etc., moi je mets à l'écart, je m'appuie sur rien d'autre que ce que la paléanthropologie officielle et la génétique officielle ne disent. C'est très important. Donc ce que je dis, quand je fais une affirmation par exemple sur l'introgression génétique en Afrique, est-ce que je peux vous donner l'étude, tout ça c'est fait. Mais il peut y avoir des gens qui par exemple sont spécialisés en médecine et ils vont dire mais attends, mais en médecine on a étudié ça, il y a telle maladie qu'on ne retrouve que pour cette race, on peut travailler ensemble. Donc voilà, je souhaite faire un groupe de zététiciens et ouvrir un Tipeee et pour faire financer ce projet qui me tient. Je pense que c'est, parce qu'évidemment il faut, si vous voulez, il y a des publications qu'il faut acheter, il y a plein de choses. En fait, ça demande beaucoup de temps. Et voilà, j'espère que ce projet pourrait évidemment se concrétiser. Ok, l'appel est lancé. Si des gens sont motivés. L'appel est lancé. Ceux qui regarderont, vous contactez à scène. D'ailleurs, ils font comment pour te contacter? J'ai la page Facebook. J'ai une page Facebook. Vous allez sur n'importe quelle de mes sous mes vidéos. Et il y a le Facebook, le Gmail et le Twitter. Voilà, donc vous allez sur une vidéo à la scène Occident. Vous tombez sur ma chaîne YouTube, n'importe quelle vidéo, et vous allez en dessous et vous avez de quoi me contacter à chaque fois. Contacter. Je le mets. Ok. Au moins voilà. C'est dit, c'est fait. Et merci beaucoup à Seb d'être merci venu. À toi. Franchement, merci ça va être. À toi. Voilà, cette émission. Ça a pas été trop... Non, je pense qu'elle a beaucoup intéressé, que ça va encore faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de commentaires et beaucoup de paroles, c'est évident. D'accord, parce que c'est j'espère que je n'ai pas été trop. Non, je pense que c'est. Écoute, je lis déjà le peu de critiques, c'était plutôt positif. On me dit que c'est très très intéressant. Donc ça va, tu pars avec un bon bonus. Mais attends que ça arrive sur YouTube. Et qui est tous les gauchos comme d'hab qui vont s'accaparer. C'est ma horrible, vidéo et... ce qu'il a dit, c'est horrible. Quel Dieu. Salaud, ce Hassan, tu vois. Fou. Tu vas voir que ça. D'ailleurs, ils ne regardent même pas jusqu'à la fin, donc ils ne verront même pas quand je les insulte à la fin. J'ai l'habitude en commentaire, ça va. Ils me font rire, les gens. Daniel, il est plus fort. Hein. Lui, il a des insultes, c'est exceptionnel, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai les gens, peut-être qu'ils ont une polémique sur ça. J'ai lu le livre de Daniel. Il n'y aura pas de réconciliation nationale. Je peux vous dire, là, dans le livre de Daniel, on ne va pas dans la réconciliation justement, nationale. Justement, de toute façon, comme il sera mon ami, si vous voulez faire, si vous bientôt, voulez. Il viendra le 2 avril. Donc, je vous dis, si vous voulez. On aura l'occasion d'en parler directement. Moi, honnêtement, c'est quasiment LV3 propos raciste, quoi. C'est-à-dire, il y a des mots, je dis, waouh, je ne connaissais pas. Il est bon quand même le livre. Hein. Franchement, je vous conseille. D'accord. Il m'a assez impressionné. On en reparlera. Mais il n'y a pas de voilà. D'ailleurs, on me fait du troll. On me dit, mais tu penses quoi des Kanaks? Je connais pas. C'est pas grave. Daniel, il comprendra. En tout cas, merci à vous. Au revoir. Merci de. J'espère que la régie à distance m'écoute, hein, puisque là, on peut pas qu'on communique à distance. Donc, qu'elle verra ce qu'on est en train de faire. Et puis, forcément. Si vous écoutez ce message, forcément, vous êtes un peu la résistance. Ciao, ciao, ciao.